Mickaël à la radio. Mickaël à la radio. Ah, oh, c'est génial. C'est énorme ce que vous faites. Tous les matins, entre 6h et 9h30, Mickaël vous réveille sur Fun Radio. Mais oui, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Tiens, premier SMS qui est arrivé au 6322. C'est pas du direct votre émission, c'est la même chose qu'hier. Oui, c'est normal. De 6h à, bon, on va dire 6h22 parce que de toute façon on démarre jamais après. C'est le warm-up, les meilleurs moments. Et puis là, c'est parti, on est en direct maintenant jusqu'à 9h30 avec Julie qui est là. Qui est... Oui, j'ai sorti ma laine. Hein, non, mais rien à voir. C'est Toff qui m'a fait. Je crois. Voilà. J'aimerais remettre les choses au clair. Toff est arrivé dans le studio et m'a dit elle a mis sa petite laine. J'ai mis un pull un peu plus chaud. Je vois pas où est le problème. Non, c'est une petite laine. Ma grand-mère aurait fait. Mais que dalle, attends, ça va, c'est hyper à la mode. Je mets immédiatement une photo sur, voilà, sur le blog. Bah, sur mickaël.fm, vous allez revoir dans quelques instants la petite laine de je suis très fière de ma petite laine. De mamie Juju. Non, allez, hein, ça va. Mamie Juju qui est venue aujourd'hui ce matin. Quel plaisir de vous retrouver. Mais avec plaisir, mais oui. Ah, tu sais que j'ai fait. J'ai pensé. Alors, je me suis dit ce matin. T'as pensé à moi ? Oui, alors déjà, j'étais dans la voiture. Et bon, ça caillait à 8 degrés, c'était un drame. Pourquoi j'ai sorti ce gros pull? Non, mais d'accord, mais bon, il faisait froid, je suis d'accord, mais à l'intérieur ça va. Et donc, après, je vois une pub pour le Quick. Et je me dis, bon, le truc est sympa, tu vois, c'est drôle le nouveau burger qu'ils ont fait là. Ouais. Et en fait, c'est le Super Love Giant. Et ouais, en fait, moi, je trouvais ça énorme parce que je me suis dit, je suis sûr qu'il y en a qui vont essayer quand même d'offrir ça à leurs copines. Parce qu'en fait, le burger ressemble à un cœur. Oh. C'est un cœur, ah, je te love. Et donc c'est une Love Giant avec la sauce qui coule et tout. Et je pense qu'il y en a qui vont essayer, ouais. Donc tu vas offrir ça à ta copine? Non, je t'offrirai ça à toi demain matin à 6h. Ah, d'accord, ok. Bon, ça veut dire que tu vas l'acheter la veille, mais ouais, j'aurais été l'acheter le jour avant. Mais oui, mais avec plaisir, écoute, t'inquiète pas, hein, si, il faut pas me remercier, t'inquiète pas. T'as vu comment elle a honte, elle a enlevé son écharpe pour bien montrer qu'elle avait un décolleté en dessous. J'ai pas décolleté, mais t'es un grand malade, c'est toi. Ouais, mais lui un peu excité. Oh là là là. Bon, ce matin, plein de choses comme d'habitude, on va payer vos factures comme d'habitude aussi au 6322 trois fois par émission. Ça va se passer à 7h10, 8h10 et 9h10. Donc si vous voulez vous inscrire pour qu'on vous rembourse votre facture 6322, c'est 1€ par message et vous débutez le message par facture avec le montant de la facture ainsi que l'objet de la facture. Et puis on aura aussi évidemment la ligne anti-relou, ça va se passer d'ici quelques instants également. Et puis Toff hein, qui appellera certainement des gens dans quelques instants là pour non, les emmerder. Non, aujourd'hui j'appelle personne. Ah, aujourd'hui t'appelles personne? Ouais, j'appelle personne. Non, d'accord. Non, ok. Pas envie. Bon, bah si tu veux, alors il n'y a pas de problème. Il fait la grève. Ouais. Ouais, il fait la grève, ouais, ouais, bah voilà. Ça doit être ça. Bon, bah voilà, inscription, vous le savez. Et puis, bien évidemment, la petite devinette qui colle. Un écran plat qui est à gagner, comme hier d'ailleurs aussi. Écran plat gagné au 6322. Vous démarrez le message juste par la réponse, en fait, hein, ça suffira amplement. Et voici la petite devinette qui colle. Bon, elle est gentille, voilà, c'est ça. Comment font les muets pour se dire des secrets? Elle est trop mignonne. Voilà, si vous avez la bonne réponse, 6322, facile, puisque en plus il y a un écran quand même à gagner, un écran plat HD. Ouais, ça donne envie de chercher. Donc, ouais, ça donne envie de chercher, ouais. Comment font les muets pour se dire des secrets? Évidemment, c'est à base de la main ou d'accessoires qu'on pourrait mettre dessus, hein. Autant être franc pour directement. Pour cacher ce qu'on dit. Par exemple, voilà, c'est ça, ouais. Voilà, comment font les muets pour se dire des secrets? Si vous avez la bonne réponse, 6322, c'est 1€ par message. Et il y a un écran plat à gagner, c'est un haute définition. Donc profitez-en, on donne la réponse dans moins d'un quart d'heure. Et dans quelques instants aussi, ce seront les infos avec Julie, bien évidemment, qui est prête, qui est au taquet. Je suis au taquet. Bon, c'est parfait. Et ben, restez bien là, ça va arriver dans un instant. Et côté musique, on va se mettre dans un instant. Oh bah très bien, tiens. Ça va faire du bien pour se réveiller, ça. Ce sera Mika qui va arriver dans un instant avec Elle me dit sur Fun Radio. Plus excitant que la caféine, plus vitaminé que le jus d'orange. Tous les matins, Mickaël vous réveille sur Fun Radio. Mickaël à la radio. Fun Radio. Hey, Mickaël, c'est John McClane. Bon, j'ai appris que c'est toi qui as la dure mission de réveiller la Belgique. C'est bien ça, mon gars. Alors je te préviens, papa, que si t'es pas là tous les matins à 6h, c'est moi qui viens personnellement te botter le cul pour te sortir du cul à coups de latte dans le fion. Et crois-moi sur parole que tu vas le sentir passer. Je fais du 46, coco. Mickaël à la radio. Mickaël à la radio. Allez, youpikaï, pauvre con. Et 6h29 sur Fun Radio. Oui, je ne serai jamais en retard. Rassure-toi, Bruce, il n'y a pas de... Ça fait peur. Il n'y a pas de problème. Oui, un peu agressif. Je répète vite fait la devinette qui colle pour gagner l'écran plat Full HD. Non, HD. Enfin, je sais plus. Bref, il est haute définition, quoi qu'il en soit. Donc voilà, c'est à gagner maintenant. Si vous avez la petite réponse à la devinette qui colle. Où est-ce qu'elle est? Je ne sais plus maintenant, dis donc, je l'ai perdue. Ah bah voilà. Comment alors, font... comment, oui. Ouais, voilà, exactement. Comment font les muets pour se dire des secrets? Beaucoup de réponses qui sont arrivées en proposant des gants. L'idée n'est pas mauvaise, hein, mais c'est pas loin. Hein. C'est pas loin, mais c'est pas ça. Il y a trop de trous. Voilà, il y a moins de trous sur la réponse qu'on cherche. Ils les écrivent, devinette trouvée sur un carambar. Ah non, pas du tout, c'est pas ça. Ils se mettent en dessous de la table, c'est pas ça non plus. Je sais pas. Mais j'ai envie de perdre un euro. Ah bah voilà, ça c'est plié, comme ça c'est fait. Hein. qu'est-ce qu'il y a aussi? Les muets font comme les Italiens, ils parlent avec les mains. Oui, ça bien sûr, mais comment font-ils pour se dire des secrets justement? Donc c'est pas des gants, c'est le petit cousin des gants, on va dire ça comme ça. 63-22, c'est un euro par message, vous envoyez la réponse avec, avec la réponse tout simplement. Hein. Et puis si vous êtes tiré au sort dans 10 minutes, on vous rembourse. C'est le mec qui est complètement dans les factures. On vous fait péter la télévision, l'écran plat HD. Voilà, 63-22, 1 euro par message. Comment font les muets pour se dire des secrets? Qu'est-ce qu'ils mettent sur leurs mains? Allez hop, 6h30, les infos maintenant avec Julie. Salut à tous, véritable exploit pour Kevin Borlée hier au Mondiaux d'athlétisme à Daegu en Corée du Sud. Il a décroché la 3e place et donc la médaille de bronze. Son frère Jonathan a terminé 5e déjà. Dans 24 heures, ils disputeront le 4x100 mètres. À l'US Open, Darcy et Wickmayer se sont qualifiés pour le 2e tour. Olivier Rocus a quant à lui été éliminé. Au chapitre politique, Elio Di Rupo entreprendra de nouveaux contacts bilatéraux dans les prochains jours, alors que le formateur Elio a été reçu hier par le roi pour un rapport intermédiaire sur sa mission. Les échos qui filtrent sur les négociations en cours ne sont pas très positifs. Selon certaines sources, les tensions sont notamment très importantes entre francophones et flamands, et plus spécialement entre le PS et le CDNV sur la révision de la loi de financement et sur l'autonomie fiscale. À noter que demain, Joël Milquet passera la main de la présidence du CDH à Benoît Lugène. Après 12 ans, elle continuera malgré tout à mener les négociations pour la formation d'un gouvernement. Michel Dardenne a de nouveau été hospitalisé. Le ministre des Pensions est retourné à l'hôpital lundi soir pour effectuer des tests qui n'ont pas pu être programmés la semaine passée. C'est ce qu'a donc affirmé son porte-parole. Dardenne devrait rester hospitalisé une partie de la semaine au CHU de Liège, mais il devrait être présent au Conseil des ministres de la rentrée de vendredi. À Braine-l'Alleud et Waterloo, vous risquez de ne pas recevoir votre courrier. Les syndicats ont déposé un préavis de grève. Une réunion est prévue à 7h pour faire le point sur la situation. Et préavis de grève également chez Flightcare. Le syndicat socialiste attend de la direction une solution pour le problème récurrent de la charge de travail et de la surcharge exercée sur le personnel qui décharge les avions. Flightcare s'occupe des bagages. Pour rappel, le personnel a déjà mené des actions spontanées dimanche dernier à Bruxelles Airport. Une réunion est prévue aujourd'hui avec la direction et le syndicat espère toujours pouvoir trouver un accord autour de la table des négociations. Et à 6h33, enfin une bonne nouvelle d'après ce que je vois sur la télé, en tout cas à RTL. À Saint-Hubert, il y aura un grand soleil. À Bruxelles, non, mais à Saint-Hubert, oui. Eh bien écoute, des éclaircies localement très larges seront quand même entrecoupées de champs nuageux qui resteront normalement inoffensifs, ce qui veut dire pas de pluie. C'est déjà ça. Maxima, oui, c'est déjà ça. Maxima entre 15 degrés sur les sommets de l'Ardenne et 19 degrés en camping. Demain, temps sec, mais nuages toujours présents et jusqu'à 20 degrés. C'est déjà ça aussi. Bon, allez, la France Radio. À 6h33, on écoute. Alors c'est une petite info pour ceux qui cherchent un emploi. Je ne sais pas si vous le savez, mais en général, les employeurs, les recruteurs n'hésitent pas à faire un petit tour sur les réseaux sociaux afin de trouver donc l'employé idéal ou de repérer les points faibles des candidats à un poste. Et donc il y a une étude qui a été faite par un site internet careerenlightenment.com et il donne un peu une idée de comment font les recruteurs et on apprend que LinkedIn est la plateforme sociale la plus utilisée lors des... LinkedIn. C'est tout près de Dilbé. Ah bon, d'accord, ok. Mais ça, c'est mon accent flamand qui ressort dès que je vois des lettres un peu flamands. LinkedIn. LinkedIn. Voilà. LinkedIn. Voilà, vous l'avez dit. C'est le plus utilisé par les recruteurs, pour les démarches de recrutement. Facebook et Twitter sont également largement utilisés. Et un employeur sur 5 utilise les réseaux sociaux pour trouver des candidats au poste à pourvoir. D'accord, ok. Bon, bah voilà, comme donc ça, faites attention, alors vos photos de soirées très très alcoolisées à garder très très précieusement dans un groupe très fermé. Quand elle disait poteau, bien sûr c'est les vrais poteaux, hein. Vous êtes pris parce que vous étiez complètement bourré. poteaux, vos poteaux non, de vos soirée. Photos. Ah, vos photos, ouais. D'accord. Excuse-moi si tu ne te laves pas les oreilles. Ça... Non, c'est ça, ça fait 6 jours. Mais il y a une nouvelle mode sur les photos alcolisées, tu sais, c'est de mettre des. Oui, des chats. Cats. Des chats, oui, tu mets des chats à la place des bouteilles et des verres alcoolisés. Ah, oui, c'est une idée, pourquoi pas. Bon, l'info revient tout à l'heure, évidemment, ce sera à 7h, restez bien là. Et puis la petite question, la petite devinette qui colle pour gagner un écran plat HD. Comment font les muets pour se dire des secrets? Donc, c'est pas les gants, c'est les petits cousins. On proposait les préservatifs. Je ne savais pas que les préservatifs étaient les cousins des gants. Je ne savais pas, mais c'est pas la bonne réponse, malheureusement. On en apprend tous les jours. Ils collent des post-it dessus. Non, c'est pas ça non plus. Ils mettent des chaussettes à leurs mains. C'est Salvatore. Ah, c'est pas loin. C'est pas loin. Bon. C'est vrai que c'est le même principe, mais par contre, par rapport aux chaussettes, il y a un trou en plus pour le pouce. Voilà. Oui, c'est vrai. Bon, 63,22, 5€ par message. Il y a donc l'écran à gagner, écran plat HD. Et on se fait de la petite réponse là, juste après le son de Mika, par exemple, avec Elle me dit sur Fun Radio. C'est Fun Radio, il est 6h35. Bon réveil, tout le monde. Le son de Mika sur Fun Radio à l'instant, c'était Danse. Et tous les matins, on est là avec vos messages que vous envoyez en direct au 3044. Et là, il est 6h39. Et puis restez bien là, puisque dans un instant, nous mettrons l'excellent son de... Marche pas. Ah bah ça marche pas. Je sais pas pourquoi ça marche pas. Dommage. Tant pis, c'était Beyoncé avec Crazy in Love qu'on écoutera dans un instant. Bon bah je voulais vous mettre un petit extrait pour vous mettre en appétit, mais bon malheureusement ça ne fonctionne pas et c'est bien dommage. D'ailleurs Beyoncé qui a un record aussi. Ouais, exactement, j'aimerais bien savoir. J'ai cherché aussi mais je n'ai pas trouvé. Voilà, c'est pas top selon plus, pas d'idée. Quel record elle a battu Beyoncé? Je sais pas. Elle a battu un record qui était détenu par la finale de la Coupe du Monde de football féminin qui opposait le Japon aux États-Unis. Bah non, c'est pas. J'avais bien une idée mais à cette heure-ci c'est pas possible. Non, bon voilà. Écoute, elle a battu le record de nombre de tweets à la seconde, donc sur Twitter. Ah oui, depuis qu'elle a annoncé qu'elle était enceinte. Voilà, je l'ai vu hier en plus l'info, je suis con. Elle a annoncé qu'elle était enceinte donc au MTV Video Music Awards. Donc, yeah. Je sais pas si vous avez suivi l'affaire, mais à la fin de sa chanson, elle a ouvert sa petite veste, elle a montré son ventre rond. Donc c'était joliment montré. Et tout le monde en a déduit qu'elle était enceinte alors qu'elle a juste pris 15 kilos en fait, c'est tout. Oui, bien sûr. bien sûr. Et alors, donc, elle a quand même donc battu ce record sur Twitter, c'est quand même 8868 tweets à la seconde ont été enregistrés. C'est un peu ce que j'ai su, moi. Et moi, ce qui me faisait quand même assez marrer, c'est que le record était quand même détenu juste avant par la finale de la Coupe du Monde de football féminin qui opposait le Japon aux États-Unis, comme je l'ai dit, parce que eux, c'était 7196 tweets à la seconde. Ah ouais, voilà. Quand même pas mal, hein, pas mal. Juste pour dire que t'es enceinte, c'est quand même pas mal. Et ouais, comme quoi, finalement, ça tweet pas mal. C'est quand même fou qu'une finale de Coupe du Monde féminin, c'est eux qui détiennent le record. Attends, dès qu'il y a un peu de téton, les mecs, ça tweet. Ah, c'est ça. Les mecs, regardez, regarde sur la chaîne, il y a un record du monde de foot. Bon, de filles, bien évidemment. Bon, bah, Beyoncé, on va l'écouter dans un petit instant avec Crazy in Love sur Fun Radio, 6h41. Et dans 5 minutes, on donnera, déjà, on vous fera écouter les meilleurs messages de la ligne anti-relou, évidemment. On aura la question qui colle, mais avant la question qui colle, il y aura aussi la devinette qui colle et la réponse. Et ça va arriver dans quelques instants, je vous la répète une dernière fois. Comment font les muets pour se dire des secrets? Donc les post-it, ce n'est pas ça. Ils se mettent une seringue. Oui, je ne comprends pas le rapport. Tu as des manières un peu particulières de garder des secrets, toi. Mais bon. Donc voilà, cousin des gants et proposer des gants. Non, c'est pas la bonne réponse. C'est avec un seul doigt. Voilà, comme ça vous savez. Allez, 63,22, 5€ par message. Il y a un écran plat à gagner. HD. On donne la réponse juste après la pause sur Fun Radio. Restez bien là. 6h41. Bon réveil. C'est nickel à la radio sur Fun Radio. Et on fait un tour du côté de la route maintenant à 6h46 sur Fun Radio. Alors prudence, il y a un accident sur le ring de Anvers en direction de Gand à hauteur de Borkenhout, très bien. Bon, si vous êtes témoin d'un autre problème sur les routes, eh bien n'hésitez pas à venir nous en parler, 3044, qu'on puisse prévenir tous les autres auditeurs de Fun Radio, bien sûr, afin qu'ils évitent de prendre ce chemin-là. Pareil pour les radars, les travaux, les accidents, les bouchons, tout simplement. Tous les radars, c'est quand même bon de savoir. Surtout les flashs. Quoi qu'en même temps, un radar à 7h30... marche pas des masses hein, quand t'es sur l'autoroute, que tout est bouchonné. Ah oui, non, ça forcément. Ouais, c'est ça. Bon, donc vous êtes témoin de quelque chose, 3044, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Mickaël à la radio. Pour un monde sans relou. Mais oui, sans relou, bien sûr. Dans un instant, Beyoncé, mais avant ça, les meilleurs messages laissés sur la ligne anti-relou. Et la ligne anti-relou ce matin, c'est simple. La ligne anti-relou, c'est tous les jours à 7h moins quart, 8h moins quart et 9h moins quart. Et tous les matins, on vous fait écouter les meilleurs messages qui ont été laissés sur la ligne anti-relou. Et le concept est simple. Vous mémorisez le numéro de la ligne anti-relou, c'est-à-dire le 0473 86 0013. Et dès que vous tombez sur un relou, les filles ou même les mecs, ça peut arriver, eh bien un relou qui est là, vous dites hey, t'as ton numéro de téléphone, hey, donne-moi ton numéro de téléphone, mais tu vas voir, on va se marrer ce soir, donne-moi ton numéro de téléphone et je te rappelle. Bon, au moment ça vous saoule, plutôt que de donner le vôtre et qu'après il va vous saouler pendant plusieurs jours. Surtout que ça lâche pas l'affaire, hein, relou, ça, bah, non, hein, non, ça non. Reste bien, ah, bien ça, accroché. Ça, ah, mais ça c'est clair, hein. Donc voilà, vous donnez notre numéro et puis nous après on se marre à écouter les messages qu'ils ont laissés en pensant que c'était vous. Écoutez le premier invité de ce matin. Nicolas, j'ai vu ton annonce sur internet et je voulais te proposer de ensemble, de s'amuser, de faire la fête et autre chose. Voilà, rappelle-moi, au revoir. Attention, je tiens à remettre l'église au milieu du village. Oui, oui, le numéro est fait pour les relous et non pas pour mettre sur internet. Enfin, vous, parce vous que pouvez, là, le pauvre, il pouvez. A une toute bonne voix et tout en plus. Ouais, enfin, le, oui, j'ai vu ton message. En même temps, c'est déjà s'il va sur des sites comme ça, c'est qu'il est un peu pervers. Hein. Non, attends. J'ai vu qu'on pouvait s'amuser. Mais j'ai vu ton numéro. Est-ce que je pourrais. Je peux venir, on peut s'amuser. Il n'y a pas de problème. Ça. Ouais, c'est ça. Ouais. Bon, deuxième message ce matin. Oui. Je sais pas quoi dire, quoi. Oh non, c'est une blague. Mais n'appelle pas. Alors, si tu ne sais pas quoi dire, prépare un petit peu quand même dans ta tête ce que tu veux lui dire à la fille. Et alors, déjà au début. Oui, bonjour. Ah non, oui, non, ça c'est catastrophique. Ça c'est dans le top 3 des relous. Oui, Julie. Oui. Tu veux le Super Love Giant? Non. C'est dommage, je vais te l'offrir. C'est vraiment malheureux. Allez, troisième invité de ce matin et dernier également. Ouais, allô Florence, ça fait 2 heures que je t'attends là. Moi je suis saoul là et je t'attends, je suis pas bien. Et tu m'as donné ton numéro et j'aimerais bien savoir quoi. Tu vois? Et c'est pas cool pour moi de savoir que tu me réponds pas. Ça fait deux fois que je te téléphone et c'est pas cool. Merci de me rappeler, gros bisous. Eh oui, mais gros bisous, hein. Bon, et ben voilà, ouais, j'aime bien le. Ouais, je suis complètement saoul et je t'attends, hein, Julie. Hey, Julie, je suis complètement bourrasse, je t'attends. Oh là, tu viens, s'il te plaît. Ça arrive quand même, tes propres potes peuvent t'appeler comme ça pour te dire qu'ils sont bien bourrés. Ouais, mais quand c'est tes potes, bon, après, tu peux te marrer avec eux, tu gardes le message et t'en fais 6 mois, quoi. Mais ce qui est marrant, c'est qu'après, tu le fais réécouter et les gens, ils se rendent pas compte. Mais c'est pas moi, mais t'es mitonné. Non, c'est vraiment toi. Non, tu vas bourrer et puis tu le fais réécouter. Ah, si, quand même, t'étais un peu bourrasse, hein. Peut-être, un petit peu. Bon, bah, très bien, retour de la ligne anti-relou, ce sera tout à l'heure à 8h moins quart et nous avons quelqu'un maintenant pour la réponse. Évidemment, nous la avons réponse Laurie. À la devinette qui colle, Laurie. Bonjour, Laurie. 25 ans de Charleroi. Comment ça va, Laurie? 25 ans de Charleroi. Charleroi sur 103.5 pour écouter Fun à Charleroi. Et bah merci à toi d'écouter. Grâce à toi, entre autres, on est premier à Charleroi. Faut le savoir. Ah, bien joué. Bah oui, c'est vrai. Eh bah oui, bah oui, vous êtes nombreux à écouter à Charleroi et ça fait plaisir, les Carlos. Bon, alors, Laurie, tu fais quoi dans la vie? La réponse peut-être. Oui, d'abord je voulais savoir ce que tu faisais dans la vie. Je voulais être un peu poli, tu vois, créer un peu de discussion. D'accord. Je travaille à la SNCF2 à Bruxelles. Ah, donc tu es gréviste. Ah voilà. Non. À temps plein. Gréviste à temps plein. Et travailleuse à temps partiel. D'accord, on a compris, t'inquiète pas. Bon, Laurie, la réponse à la devinette qui colle. Comment font les muets pour se dire des secrets? Ils utilisent des moufles. Exactement, la bonne réponse. Et les cadeaux pour toi, l'écran HD, l'écran plat HD qu'on va te filer, Laurie, à Charleroi, directement là-bas. Beau cadeau. N'est-il pas? Ok, super, merci. À 6h50, ça fait plaisir. Je t'en prie, je te fais des gros bisous. Merci. Bientôt, ciao à toi. 6h50 sur Fun Radio. Bon réveil tout le monde. Dans un instant, on va faire un petit appel avec Toff, là, même s'il voulait pas. Je sens qu'il va quand même se motiver un minimum. Hein. Non, si. Allez, si, mais si. Et Beyoncé, Crazy in Love. Le son de Beyoncé, j'allais dire le son de Crazy in Love, pas du tout. C'était Crazy in Love, certes, mais c'était surtout Beyoncé à l'instant sur Fun Radio. Bon réveil tout le monde. Dans un instant, on va vous payer vos factures. Ça se passera dans un peu plus de 10 minutes. Si vous voulez vous inscrire, eh bien, vous pouvez y aller dès maintenant. 63-22, débutez le message par facture. C'est 1€ par message. Et puis on vous appellera peut-être d'ici quelques instants pour vous rembourser cash votre facture. Voilà, c'est aussi simple que ça. 63-22, débutez par facture. Vous mettez le montant de la facture ainsi que l'objet de la facture. La question qui colle, elle arrive dans quelques instants. Et ce matin, on a un étudiant qui est venu nous voir parce qu'il n'arrive pas à trouver une école pour la rentrée. Wesh, salut, ça se passe bien ou bien? Donc Charles, tu fais partie de ces élèves hein, sans école pour la rentrée? Ouais, je suis exactement. C'est-à-dire que bah, c'était les vacances et bah, j'ai un peu oublié, tu vois quoi. Oui, je vois bien. Et vous voulez passer à la radio donc pour essayer d'obtenir une place? Exactement. En fait, je me dis que si je pouvais parler pour vous montrer ma galère du moment, parce que voilà quoi, si je rapporte pas les allocs, ma mère le vend tout et tu vois quoi. Ouais, ouais, bon, pas vraiment, mais bon, on va téléphoner dans une école, on appelle à Philippeville, ça va? Ouais, franchement, c'est trop cool de ta part, hein, franchement. Ouais, bah, de rien. Big up à toi, franchement, de me recevoir là, c'est. Non, c'est sympa, franchement. Ouais. Non, mais de rien, Charles. Bon, on appelle maintenant, alors je vous laisse faire, Charles. Hein. Donc, on va dans une école à Philippeville. Personne déjà arrivé à cette heure-ci? Ils sont taqués, ils préparent la rentrée. Oh, bon, bien sûr. Regarde, tu vois comment ils la préparent là? Voilà, qu'est-ce qui se passe? On a été sans. Tu tentes de les réveiller? Oui, c'est ça, oui. Oui, monsieur Derek Olé, bonjour. Oui. Wesh, bonjour madame, ça se passe? Oui, je vous écoute. Oui, voilà, en fait, j'appelle parce que. Bah, en fait, c'est la rentrée là. Et j'ai un peu oublié. Et du coup, je suis pas inscrit. En quelle année? Ce serait pour une quatrième. En quelle quatrième? Économique, madame. Science économique? Oui. Ah oui, ben il faudrait peut-être venir vous inscrire cette semaine-ci alors. Ah ouais. On rentre lundi. Ah ça va, c'est que lundi, parce que je pensais que c'était jeudi la rentrée, mais ça va, c'est que lundi. En quatrième, c'est lundi. Ah ça va, j'ai le temps. Oui, voilà. Et quand vous venez avec votre carte d'identité et avec votre bulletin ou les attestations de l'année dernière. Ouais, vous êtes sûr que vous voulez voir mon bulletin, parce que c'est pas je veux surtout voir l'attestation de fin d'année qui dit que vous avez réussi ou que vous avez raté. Ah ouais, bah ça dit j'ai raté, hein. Ça dit j'ai bien raté. Vous avez raté une quatrième quoi? Bah quatrième économique. Ah bon? Ah ouais, et, ouais. Et avant d'aller en quatrième économique, vous étiez en quelle année? En quatrième économique, madame. Vous avez fait combien les quatrièmes économiques? Bah avec la vôtre, ça fera 3. Ah oui, d'accord. Ben vous venez avec votre bulletin et puis on fera l'inscription quand vous viendrez. N'oubliez pas votre carte d'identité. Bon, c'est gentil, madame, hein, parce que vous n'êtes pas la première que j'appelle et vous acceptez de me prendre et tout. Franchement, c'est cool. Hein. Ben, moi, je n'accepte, je n'ai pas à vous refuser. Vous me demandez des renseignements, je vous les donne. Je vous invite à venir à l'école et puis vous rencontrerez la direction et puis voilà. Bah ben, ouais, franchement, madame, franchement, c'est big up. Hein. Big up à toi, c'est trop cool. Hein. Bon, je te remercie et puis j'arrive. Hein. Je prépare mes papiers et puis je viens. D'accord, allez. Au revoir. Merci, madame. Au revoir. Bah voilà, il reste de la place. Oh, franchement, non, big up à elle et tout, comme ça, de me prendre. Elle reste tout. Cool, hein, ouais, parce que franchement, tu te dis, mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là, quoi. Surtout le big up à toi, tu vois. Dès le début, tu vois, tu te dis, bon, alors lui, il a pas compris. Hein, ah, non, c'est sûr. Hein. Bon, par contre, Philippeville, c'est peut-être un peu loin, Charles, on va essayer de rappeler plus tard, un peu plus près. C'est bien, déjà, c'est pas grave, je prendrai le train, j'irai. Ah ouais, mais enfin, ça reste un peu loin quand même. Je comptais pas y aller souvent. Non, bah, je me doute bien. Bon, à tout à l'heure, Charles. Hein. Ouais, t'inquiète. Très bien. Bah, comme quoi, il reste de la place. Bah, apparemment, ça avait l'air assez facile. Mais je pense que je suis pas si sûr qu'il va être reçu si facilement. Ouais, c'est sûr. Enfin, quand on cherche un peu, on trouve visiblement. Bon, dans un instant, les infos. Avant cela, petite question qui colle ce matin. J'ai des cadres photo numérique à vous filer. C'est les grands formats, donc c'est un truc, ça doit faire plus grand qu'une page A4. Donc j'ai pas la taille exacte, mais enfin bon, voilà, c'est un grand cadre numérique. Comme ça, on pourra mettre des belles photos de Julie. Mais oui, que vous pouvez aller voir sur amical.fm. Allez, question qui colle, quel est le chiffre le plus aimé au monde? Si vous avez une idée, n'hésitez pas. Hein. 63-22, vous débutez par évidemment la réponse, ça tombe sous le sens, puis vous mettez ce que vous voulez. Donc voilà, cadre photo numérique et l'additionnel des Sims 3, sans oublier le jeu Harry Potter et les reliques de la mort. C'est la partie 2 qu'on vous file ce matin. Console, ça marche sur n'importe quelle console, hein, donc vous inquiétez pas. C'est à gagner dans quelques instants sur Fun Radio. 63-22, quel est le chiffre le plus aimé au monde? Bonne chance. La gente está muy loca. Et dans un instant, le son préféré de Julie, elle m'a dit, ah, je veux qu'on le mette ce matin, oui, je t'en supplie. J'ai dit, ok, ça va, relève-toi, tu dois pas te mettre à genoux comme ça, voyons, t'es journaliste. Mickaël, à la radio. Salut, c'est Jean-Roch, tous les matins j'écoute Mickaël, j'adore Mickaël. Non, en fait, j'adore pas, il est relou. Fun Radio. 6h59 sur Fun Radio, bon réveil tout le monde, c'est mercredi le 31 août et on passe aux infos. Oui, salut à tous, véritable exploit pour Kevin Borlée hier aux Mondiaux d'athlétisme à Daegu en Corée du Sud. Il a décroché la 3e place et donc la médaille de bronze. Son frère Jonathan a terminé 5e et déjà dans 24 heures, ils disputeront le 4x100 mètres. Tandis qu'à l'US Open, Darcy et Wickmayer se sont qualifiés pour le 2e tour, mais Olivier Rocus a quant à lui été éliminé. La formation et le statut des pompiers volontaires est remis en cause. Lundi soir, les pompiers de Jeudogne ont perdu l'un des leurs dans un incendie à Melun. Ce drame pose à nouveau la question du statut des pompiers volontaires. Les hommes du feu demandent une meilleure formation, mais aussi une reconnaissance des dangers qu'ils affrontent au quotidien. La Fédération royale des corps de sapeurs-pompiers de Belgique pourrait mener des actions prochainement avec d'autres syndicats. 16 pompiers ont perdu la vie depuis la catastrophe de Guilanguin en 2004. Au chapitre politique, Elodie Rupo entreprendra de nouveaux contacts bilatéraux dans les prochains jours. Le formateur a été reçu chez le roi hier pour faire un rapport intermédiaire sur sa mission. Les échos qui filtrent sur les négociations en cours ne sont pas très positifs. Selon certaines sources, des tensions sont notamment très importantes entre francophones et flamands, et plus spécialement entre le PSC et le CDNV sur la révision de la loi de financement et sur l'autonomie fiscale. A noter que demain, Joël Milquet passera la main à Benoît Lugène après 2 ans de présidence du CDH. Elle restera tout de même vice-première ministre et ministre de l'emploi du gouvernement Le Terme en affaires courantes, et elle continuera à mener des actions institutionnelles au nom du CDH pour la formation d'un gouvernement. Et Michel Dardenne a de nouveau été hospitalisé. Le ministre des Pensions est retourné à l'hôpital lundi soir pour y effectuer des tests qui n'ont pas pu être programmés la semaine dernière, selon son porte-parole. Dardenne devrait rester hospitalisé une partie de la semaine au CHU de Liège, mais normalement, il devrait être présent au Conseil des ministres de la rentrée de vendredi. À Braine-l'Alleud et Waterloo, vous risquez de ne pas recevoir votre courrier ce matin. Les syndicats ont déposé un préavis de grève. Une réunion est prévue dans la matinée pour faire le point sur la situation. Et puis enfin, préavis de grève également chez Flightcare. Les syndicats réclament une solution pour le problème de la charge de travail et de la surcharge exercée sur le personnel qui décharge les bagages des avions. Le personnel a déjà mené des actions spontanées dimanche dernier à Bruxelles Airport. Une réunion est prévue aujourd'hui avec la direction, et le syndicat espère toujours pouvoir trouver un accord autour de la table des négociations. Et à 7h02, l'info météo maintenant. Des éclaircies localement très larges seront entrecoupées de champs nuageux, mais normalement pas de risque de pluie. Maxima entre 15 degrés sur les sommets de l'Ardenne et 19 degrés en Campine. Demain, temps sec, mais nuages toujours présents et jusqu'à 20 degrés. C'est déjà ça de prix au final. Hein. 7h02 dans un instant, c'est l'info en plus sur Fun Radio. Fun Radio. Fun Radio. L'info en plus maintenant, Julie. Alors moi, je voulais vous parler des chaussettes puantes qui sont prêtes à sauver le monde. Ah, Toff, tu as peut-être tes chances pour sauver... Ouais, tu peux peut-être sauver des gens, toi, Toff, on sait jamais. Hein. Mais en tout cas, il y a un médecin qui a inventé un appareil dégageant une odeur de chaussettes très sale et qui parvient à piéger... À piéger quelle bête. Ah mon dieu, quelle horreur. Il est en train de lui mettre son pied dans la tronche. C'est horrible. Mais écoute, s'il y avait des moustiques dans cette pièce, ils seraient tous directement attirés vers tes chaussettes. Et regarde, je peux même faire pire, je peux te faire sentir l'intérieur de ma chaussure. Quelle horreur. Je sais pas si vous le saviez, mais les moustiques adorent l'odeur de la transpiration et des chaussettes sales. Donc c'est pour ça que je vous fais piquer tout le temps. Exactement, c'est pour ça. Non, on pense que c'est la lumière qui attire le moustique, etc. Pas du tout. Si la fenêtre est ouverte, le moustique, il vient dans la chambre parce qu'il y a l'odeur d'une chaussette sale ou de la transpiration. Eh bien, il y a un appareil qui a été inventé avec une odeur de chaussette sale qui dégage cette odeur, et il parvient à piéger les moustiques, et ça peut donc sauver du paludisme dans certains pays. Donc c'est la bonne nouvelle des chaussettes sales qui sauvent le monde. Ah bah écoutez, voilà, nous vous l'avez plus le pied. Mais voilà, nous vous l'avez plus le pied. Surtout en Afrique. Si vous ne l'avez plus, ça veut dire que ça va attirer le moustique. Exactement. Donc, il faut avoir l'appareil qui dégage cette odeur pour que l'appareil piège les moustiques, en fait. Vaut mieux se laver. Hein. Oui, forcément. Si vous voulez éviter les moustiques, ce sera plus facile. Bon, l'info revient tout à l'heure à 7h30. Ce sera toujours évidemment avec Julie, sauf si elle se fait virer entre temps. Mais techniquement, il n'y a pas de risque. Peut-être avec ma petite laine. Bah oui, peut-être, ouais. C'est une jolie petite laine qui est sur amical.fm. On vous rembourse vos factures aussi dans quelques instants. 63-22, débutez le message par facture avec le montant de la facture ainsi que l'objet de la facture. 123€ pour Beliacom. Là, une facture qui a été envoyée. Prêt hypothécaire, 420€. 500€ pour mon loyer. J'ai perdu mon taf. Ah oui, ça c'est ballot ça. Qu'est-ce qu'il y a aussi? 193€ pour une mensualité de voiture. 203€ pour la taxe voiture. 375€ pour la réparation de la voiture, c'est Sandra. 1000€ pour l'acompte mariage. Un PV routier, on ne sait pas combien. 845 € pour le cadastre, etc., etc. 63,22, débutez le message par facture. C'est 1 € par message avec le montant de la facture ainsi que l'objet de la facture. Et sac Noël, on va écouter Lock Up People sur Fun Radio. Mickaël à la radio. Mickaël à la radio. Ah, oh, c'est génial. C'est énorme ce que vous faites. Tous les matins, entre 6h et 9h30, Mickaël vous réveille sur Fun Radio. Fun Radio. What the fuck? Le son de Sac People à l'instant. Le sac Noël, c'était Lock Up People. What the fuck? Tous les matins. Qu'est-ce que je suis con alors? Tu me fais un petit. Oh, minute. Ça arrive. Bah, bien hein. Sûr, ça arrive. Comme quoi, surtout ça arrive. À toi. Même au meilleur. Je ne vois pas de qui tu parles. Oui, bah moi je vois bien, c'est bizarre. Hein. Ah bah oui, oui. Allez, tous les matins, on vous paye vos factures. C'est le moment préféré du boss de la radio. Greg, si tu écoutes, on te salue. Il va falloir payer aussi quand tu arrives. N'hésite pas à passer me voir hein, pour qu'on fasse tous les virements là les en comptes. Attente. Oui, qu'on fasse les comptes. 63,22, débutez le message par facture. C'est chaque matin comme ça. Hein. Vous mettez le montant de la facture ainsi que l'objet de la facture. Et puis bah, nous, on vous appelle en direct. Si vous décrochez, eh ben, c'est gagné. C'est pas plus compliqué que ça. C'est plus facile que quoi que ce soit. Il n'y a, a rien de plus simple. Il y a un tirage au sort, mais bon, on vous prend pas la tête pendant une semaine à attendre, à vous poser des questions. Non, vous vous inscrivez, on vous tire au sort, vous décrochez, c'est gagné. Point. Voilà. Ah, voilà, ouais. Voilà. Pour être simple. Bah oui. Et 3 fois par jour en plus, hein, comme quoi vous voyez, c'est encore mieux qu'ailleurs, où c'est parfois 1 fois par semaine, 1 fois par mois, on sait pas. Là, c'est 3 fois par jour. Allez hop, 63,22, débutez le message par facture, avec le montant de la facture ainsi que l'objet de la facture. Et on va chez Kitoff ce matin. Je n'en sais rien puisque les gens ne me laissent pas leur nom. Ah, c'est bon, d'accord, ok. Oui. Bon, on va payer quoi? Un très très gros montant, mais je préfère qu'il t'en parle lui-même. Ah bon, d'accord. Non, mais c'est très très gros. C'est énorme. Bon. C'est le plus gros montant qu'on aura jamais payé. Ah, message du boss de la radio, justement, tiens, qui crise. Ah, trop cher. Et oh là là, bon bah ça va. Oui, allô. Oui, allô, bonjour. Bonjour. Service des impôts au téléphone. Pardon ? Je dis le service des impôts au téléphone. Oui, bonjour. On vous appelle par rapport à la dernière facture que vous n'avez pas honorée. Il va falloir payer avant le 30 septembre 980 €, monsieur, hein. Oui. Ouais, ouais. Je suis content que vous le preniez bien, hein. Oui, il a l'air de le prendre assez bien. Tu sens le rire jaune, hein, quand même. Bon. Comment tu t'appelles ? Alex. Alex, bon c'est Mickaël, t'étais en direct à la radio et t'es toujours en direct à la radio sur Fun. On t'appelle pour te payer ta facture et non pas pour que tu puisses payer la facture. Quoique, au final c'est bien aussi si tu nous la payes. Hein. J'en ai pas mal en stock hein, si tu veux. Hein. Ça peut être bien ça. Bon Alex, t'as une facture de combien à payer ? Alex ? Il est parti ? Ah. Alex ? Alex ? Ah ouais. Il a eu peur, bah voilà. C'est malin. Ah oui, il a raccroché. Ah bah voilà, ça y est, c'est mort. Ah bah c'est con. Vous étiez une facture de combien ? 2 €. C'est une vanne ? Ah oui. Enfin, je pense que lui c'était une vanne, mais moi je trouvais ça drôle. Ah bon ? Bah de toute façon, on l'a fait. Ah, il a envoyé une facture de 2 €. Oui. Ah oui. D'accord, bon bah voilà. Alors bah, on la paiera même pas, tu vois. C'est con, hein ? Ça, c'est un petit peu dommage. Ah ouais, c'est vraiment dommage. Ça lui aura coûté plus cher au SCBS que de la payer. Bah non, ça lui aura coûté 2 € en fait. Et au final, on aurait pu lui rembourser. C'est con, hein. C'est dommage. Bon, et bah retour tout à l'heure avec. On paiera vos factures encore une fois vers 8h10. Si vous voulez vous inscrire, 63,22, débutez le message par facture. Vous mettez le montant de la facture ainsi que l'objet de la facture. Et puis on cherche toujours le chiffre le plus aimé au monde. Pas mal de propositions qui ont été faites. Le 69, fallait s'y attendre, mais c'est pas ça. Le 3, c'est un peu plus que ça. 69, c'est moins évidemment. Si je puis me permettre, 69 n'est pas un chiffre. Oui, c'est vrai, effectivement. Effectivement. Le 8, le chiffre le plus aimé. Non, c'est un chouïa moins. C'est un Anglais qui est fan de mathématiques qui s'est lancé dans une étude pour déterminer le chiffre le plus populaire parmi les internautes. Et donc, c'est pour vous donner un indice, c'est pas le 9, c'est pas le 13. Hein, c'est celui qui fait peur en règle générale, celui-là. C'est un chiffre 13, entre... 13, il a le même problème que 69. Bah, c'est ça, voilà. Et donc, c'est entre 1 et 10, évidemment, et plutôt vers le 10 que vers le 1. Voilà, si bon, je peux vous donner un indice. Hein, comme ça. Dans un instant, c'est Lucenzo qui va arriver avec Danza Kuduro sur Fun Radio. Pour ceux qui ne voient pas ce que c'est, eh bien écoutez bien, Lucenzo, ça c'est. Bah c'est ça, écoutez. Et d'ailleurs, si vous aimez ce style de musique, je vous donne rencard tous les vendredis à partir de minuit. C'est Manu pour l'Invasion Latina. Tous les sons dans ce style-là pendant 1 heure, l'Invasion Latina, vendredi à partir de minuit après Keep It Real. Mickaël à la radio. Tous les matins. Mickaël est en direct sur Fun Radio. Fun Radio. Mickaël à la radio. Salut, c'est Jean Rock. Tous les matins, j'écoute Mickaël. J'adore Mickaël. Non, en fait, j'adore pas, il est relou. Fun Radio. Fun Radio. Et oui, tous les matins, on est là, 7h14. Dans un instant, c'est l'horoscope. Et je vous l'avais promis, le son de Lucenzo et Don Omar, Danza Kuduro. Bonne matinée sur Fun, 7h15. Ah, ça va, je le fais, j'arrive. Ah, tu fais pas mal, ouais. Je suis étonné. Non, peut-être pas deux fois non plus. Ouais, bah dis donc. Lucenzo à l'instant avec nous. Fun Radio. L'horoscope. Voilà, 7h17. Bon réveil, tout le monde. Cherchez pas d'école pour la rentrée, Doudou? Oh non, tu penses bien que ça fait un moment que j'y suis plus, moi, à l'école. Hein. Ah, et vous avez arrêté à quel âge? 4 ans, la maternelle. Ah, donc vous n'avez pas été à l'école? Ah si, mais je dormais sur mon banc. Ah oui, évidemment, ceci explique cela. Bon, les béliers, on va commencer par les béliers, comme d'habitude, Doudou. Déjà, si je peux me permettre, vous m'avez menti, je n'ai rien gagné à l'euro-million hier soir. Bah oui, mais bon, vous avez dit que c'était une bonne journée, que j'allais gagner de l'argent, bah rien du tout. Hein. Ah bon? Ouais, bah enfin tant pis. Allez, aujourd'hui c'est quoi pour moi alors les béliers? Les superbes chances professionnelles ne vont pas avec votre porte-monnaie vide. Ah, vous voyez qu'elle est bonne celle-là. Ouais, c'est ça. Il y a 114 millions à gagner vendredi, hein, donc. Oui, oui. Mais je gagnerai, cette fois-ci je suis bon là. Oui. N'importe quoi, tous les jours ils répètent la même chose. Les taureaux. Alors, vous réagissez calmement face au changement et les surmontez sans problème. Les gémeaux maintenant. Aujourd'hui, ce n'est pas toujours facile de faire la différence entre amis et adversaires. Les cancers. Ah, ça c'est moi. Les affaires d'amour sont sous un bon signe aujourd'hui. Mmh. Oh eh oui. Mais rassurez-vous, vous finirez seul. Non, pas du tout. Ça va déglinguer ce toute soir. Toute ma vie avec mon amour. Mais oui, bla bla bla. Notons ce moment, 7h18, mercredi 31 août 2011. Nous reprendrons des nouvelles à 7h18, mercredi 31 août. Non, c'est pas possible, mais le 31 août 2012. Ah bah écoute, pas problème. Oui, ben nous sommes séparés, c'est un connard. Mais quel con alors. Tu vas voir si je le revois, je lui crève les pneus, cet enfoiré là. Non, pas du tout. Un sale pou. Non. Bon. C'est parce qu'elle sait pas encore la vérité. Les lions. Vous êtes irrités sans savoir vraiment pourquoi. Les vierges. Courage, le mot magique en ce moment c'est repos, j'arrête pas de le dire. Bah oui, non, mais vous l'avez bien compris surtout. Les balances. Soyez juste et restez équilibré. Très bien, les scorpions. Vous avez pas compris. Et restez équilibré, oui. Balance, on a compris. Les scorpions. C'est pas sûr. Bon, allez. Même si tout va bien dans votre vie privée, vous avez tout de même négligé votre partenaire. Très bien, les sagittaires. La soirée sera certes agréable, mais peut-être aussi explosive. Alors ne buvez pas trop. Les capricornes. Ne repoussez plus à plus tard des problèmes désagréables. Agissez maintenant. Très bien. Et enfin, l'avant-dernier, les verseaux. Hein. Oui, tout à fait, les verseaux. Le stress a une mauvaise influence sur votre morale, mais cela va rentrer dans l'ordre très vite. D'accord. Et pour terminer, les poissons. Donc ça y est, cette fois-ci. Laissez les autres régler leurs problèmes. C'est le mieux à faire pour rester zen. Très bien. Bon, tout, je vais dire. Doudou, on vous retrouve dans une heure. Mais oui, je ne bouge pas. Bon, je suis toujours très là. Bien. Et toujours la question qui colle. Quel est le chiffre le plus aimé au monde? On l'a proposé le numéro 6. On l'avait déjà dit tout à l'heure, le numéro 6. C'est pas ça. Le 2, c'est plus. Le 8, c'est moins. Voilà. Pas compliqué, hein. Le 6 c'est plus, le 1 c'est moins. Voilà. Oui, il y a des écrans, pas du tout. J'ai pas donné les indices, regarde, il y en a encore qui arrivent à dire 2. Tu vois, oui, en finale. Voilà, cadre photo numérique grand format XXL qui sont à gagner maintenant. 63-22 avec la réponse, c'est 1 euro par message. Bonne chance tout le monde, il est 7h20 et on va s'écouter maintenant la parodie du morning. Et oui, c'est moi-même avec Sébastien Loeb qui viendra chanter la déclaration express sur la musique de Kinvé maintenant. 7h20, bon réveil. J'aimerais trop dès le réveil m'occuper du morning. J'aimerais trop qu'au réveil tu entends que je suis là. Ouais, j'aimerais trop le matin m'éclater dans mon lit. Ouais, j'aimerais trop le faire, mais le boss ne veut pas. Le réveil dring, nettoyage corporel. Je veux devenir le king, que ma voix t'ensorcelle. C'est fini le zapping, monter les décibels. Direction le morning, et la journée sera belle. Moi perso, ça ne me dérangerait pas de me lever tôt. Les conneries là, tu sais bien que le matin pour toi c'est pas l'heure. J'aimerais trop dès le réveil m'occuper du morning. Ouais, j'aimerais trop qu'au réveil tu entends que je suis là. Ouais, j'aimerais trop le matin m'éclater dans mon lit. Ouais, j'aimerais trop le faire, mais le boss ne veut pas. Le boss ne veut pas, non, le boss ne veut pas, non, le boss ne veut pas, non, le boss ne veut pas. Le boss ne veut pas, non, le boss ne veut pas, non, le boss ne veut pas, non, le boss ne veut pas. Je t'emmènerai là où tu travailleras, tu verras ça. peut-être motivé, oh, mais faut pas t'emballer. Mon ami, tu rêves, car ce poste n'est pas pour toi. Ça fait crédible ? Ben non, pas vraiment en fait. Hein. Il est 7h24 sur Fun Radio. Bon réveil tout le monde. Mercredi aujourd'hui, le 31 août. Les infos de Julie vont arriver dans quelques instants. Et puis nous avons maintenant Julie. Non, c'est ça, comment elle s'appelle ? Il s'appelle Johan. Il a 29 ans et il arrive de Namur. Moi j'ai du mal à retenir. Je suis dans ta tête tout le temps. Ouais. Oui, c'est ça. Salut Johan. Oui, salut. Ça va bien, Johan ? Ça va bien, toi ? On dit Johan ou Johan ? On sait jamais. Avec un J, donc c'est Johan. Johan, d'accord, ok. Ouais, mais j'ai connu quelqu'un, c'était avec un J aussi, pourtant c'était Johan. Bah oui, en Flandre, on dit Johan avec un J. Mais c'est dans l'autre côté de le pays. Ah, hein, c'est le même pays quand même. Je suis dans la Wallonie, moi. Ah, tu es dans la Wallonie. Dans la Wallonie, c'est très bien. Oui, t'appelles de Namur, la capitale d'ailleurs de la Wallonie, évidemment. 107.5. Je suis pas loin de Namur. Ah, bah, d'accord. Bon, c'est 107.5 pour écouter Fun à Namur également. Et j'espère que les Namurins vont se réveiller pour faire comme à Charleroi, être numéro 1 pour Fun là-bas. Il faut. Hop, Namur. Je compte sur vous, ça va bien se passer. Bon alors, Johan, tu avais la réponse à la question qui colle, je vais la répéter. Donc, quel est le chiffre le plus aimé au monde ? Le chiffre 7. Eh oui, c'est le chiffre 7. Donc c'est un Anglais qui est fan de maths, qui s'est lancé dans une étude pour déterminer le chiffre le plus populaire parmi les internautes. Et donc c'est le chiffre 7 qui est pour l'instant le plus plébiscité, quelle que soit la religion, le genre, l'âge ou l'ethnie, mais poursuivi de près par d'autres nombres premiers comme le 11 ou le 13. Et donc apparemment les raisons, c'est qu'on aime plus un nombre qu'un autre. Donc on sait pas très bien pourquoi est-ce qu'on aime plus un nombre qu'un autre. Mais Alex Belos, donc voilà, c'est le mathématicien, donc s'est laissé aller à quelques théories. Alors d'abord, la raison la plus simple, ce serait d'aimer celle de naissance, même si ça reste relatif quand même, on n'est pas né le 7. Tous nés le 7, non. Voilà, et donc voilà, donc pour le moment personne n'a répondu le nombre 30. Donc 30 c'est le chiffre d'après son haïe, sondage, ouais. Alors que 3, 9 et 13 sont référencés à des dates d'anniversaire. Voilà. En gros c'est ça, la petite histoire, la petite story. Merci bravo pour tout ça, Mickaël. Mais je t'en prie, grâce à moi, vous coucherez moins de comme moi d'ailleurs. Merci à toi Johan d'être passé, tu reviens quand tu veux. Oui, merci pour votre bonne humeur en tout cas. Me de rien, avec plaisir. Et reste là parce que tu repars avec le cadre photo numérique aussi, grand format. Hein. Oui, c'est sympa, merci. Mais je t'en prie, il n'y a pas de problème. Salut à toi, Johan. Ciao. Et puis restez bien là puisque dans un instant, l'info arrive avec Julie. Mickaël, à la radio. C'est encore mieux qu'un concert d'André Rieu. Fun Radio. Mickaël, à la radio. Salut, c'est Jean Rock. Tous les matins, j'écoute Mickaël. J'adore Mickaël. Non, en fait, j'adore pas, il est relou. Fun Radio. Exactement, Fun Radio, bienvenue tout le monde, 7h29 dans un instant l'info. Mais avant ça, il y a un écran plat à gagner, c'est un HD qu'on vous file maintenant. Si vous avez la réponse à la devinette qui colle, on n'a pas été chercher Bialois, c'est Fred qui nous a envoyé la petite devinette. D'ailleurs, si vous avez aussi vous des devinettes à envoyer, n'hésitez pas à mikl@funradio.be. Vous me faites un petit mail et puis comme ça, hop là, on les passera à l'antenne. Comment appelle-t-on un dinosaure homosexuel? Voilà. Si vous avez la bonne réponse, il y a un écran plat HD à gagner maintenant. 63,22, c'est 1 euro par message. Vous laissez la réponse et dans un bon quart d'heure, on vous appellera en direct si vous avez la bonne réponse et que vous êtes tiré au sort. Comment appelle-t-on un dinosaure homosexuel ? Je n'en dis pas plus, peut-être un indice si je vois que vous galérez juste après l'info. Et l'info justement, il est 7h30 et on les fait, on les écoute les infos, c'est avec Julie. Salut à tous, véritable exploit pour Kevin Borlée hier aux Mondiaux d'athlétisme à Daegu en Corée du Sud. Il a décroché la 3e place et donc la médaille de bronze. Son frère Jonathan a terminé quand même 5e. Déjà dans 24 heures, ils disputeront le 4x100 mètres. Et puis à l'US Open, Darcy et Wickmeyer se sont qualifiés pour le 2e tour. Par contre, Olivier Rocus a été éliminé. La formation et le statut des pompiers volontaires est remis en cause. Lundi soir, les pompiers de Jodogne ont perdu l'un des leurs dans un incendie à Melun. Ce drame pose à nouveau la question du statut des pompiers volontaires. Les hommes du feu demandent une meilleure formation, mais aussi une reconnaissance des dangers qu'ils affrontent au quotidien. La Fédération royale des corps de sapeurs-pompiers de Belgique pourrait mener des actions prochainement avec d'autres syndicats. Pour éviter les bouchons, il faut évacuer les voitures avec les victimes à l'intérieur. C'est une solution proposée par Touring Mobilis, c'est très sérieux. Ah, c'est vraiment sérieux. Selon l'organisation de la mobilité, la proposition est réalisable avec des personnes décédées ou des blessés légers coincés dans leur véhicule. Touring propose également de diminuer les déviations via des routes secondaires lors d'accidents. Il faut dire qu'un quart des bouchons est causé par des accidents. Au chapitre politique, le formateur Elio Di Rupo va présenter des modifications à sa note. Ces modifications porteront à la fois sur BHV, la loi spéciale de financement, les transferts de compétences et le renouveau politique. Il présentera ces modifications ce week-end aux 8 présidents de parti. Demain, c'est la rentrée et c'est aussi le jour où Joëlle Milquet passera la main à Benoît Ludgen après 12 ans de présidence du CDH. Elle restera vice-première ministre et ministre de l'emploi du gouvernement Le Terme en affaires courantes et elle continuera à mener les négociations en formation d'un gouvernement. Et à Braine-l'Alleud et Waterloo, vous risquez de ne pas recevoir votre courrier. Les syndicats ont déposé un préavis de grève. Une réunion est prévue dans la matinée pour faire le point sur la situation. Et puis enfin, préavis de grève également chez Flightcare. Le syndicat socialiste réclame une solution pour le problème de la charge de travail et de la surcharge exercée sur le personnel qui décharge les bagages des avions à Zaventem. Ce personnel donc a déjà mené des actions spontanées dimanche dernier à Bruxelles Airport. Une réunion est prévue aujourd'hui avec la direction. Et on passe à la météo maintenant. 7h33. Des éclaircies localement très larges sont à prévoir, quand même entrecoupées de nuages, mais normalement pas de pluie à prévoir. Maxima entre 15 degrés sur les sommets de l'Ardenne et 19 degrés en camping. Demain, en camping. Oui, si vous faites du camping, vous relevez tout en fait. Je peux pas faire une seule faute, vous êtes au taquet quoi. Juste que camping et camping, quand même, tu vois. Moi, j'espère que le truc va passer comme une lettre à la poste, mais pas du tout. Mais non, parce qu'ils sont en grève après la leva. Voilà, bien joué, je t'ai lancé une perche énorme et tu es retombé dessus. Oh, je suis impressionnée. Tu vois, j'écoute tes infos. Hein. Ah oui, merci pour ça. Demain, temps sec, donc 19 degrés en campine. Et demain, temps sec, mais nuages toujours présents et jusqu'à 20 degrés. Bon, 7h33, c'est l'info en plus. Fun Radio. Fun Radio. Avant d'écouter les Maroon 5 avec Christina Aguilera, l'info en plus. Alors, l'info en plus, faites attention si vous cherchez un emploi. Les recruteurs n'hésitent pas à faire un tour sur les réseaux sociaux pour trouver leur employé idéal ou repérer les points faibles des candidats. Sur l'ensemble de l'année 2011, près de 90% des entreprises utiliseront les plateformes sociales comme par exemple Facebook ou Twitter pour recruter alors qu'ils étaient seulement 6% en 2010. Ah ouais. Donc ça a fait un bond énorme. Donc attention aux photos un peu... compromettant. Oui, il fait un peu attention quand même. Au tweet que vous pouvez poster sur Twitter. Parce oui, ça aussi. Voilà. Ouais, ça aussi. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'avec ton pull, ça va faire ça va tweeter, là. Ton taux de recrutement. Ça va tweeter là. Photo à mater d'ailleurs hein, sur mikael.fr. J'ai allez un pull voir. Chaud parce qu'il fait caillasse. J'ai le droit quand même. Il fait caillasse. Non, mais par contre, on va ouvrir la fenêtre parce que franchement, moi j'ai chaud pour le coup. J'avoue, maintenant j'ai chaud. Ah, il me semblait aussi. On va j'ose pas l'enlever parce que Top va encore faire une remarque. Donc, j'ose pas trop bouger. Tu as un truc encore pire en dessous de toi. Non, j'aurais pu tout à fait normal, mais tu vas encore faire une remarque. Ah, elle fait tomber le pull, je sais pas quoi. Elle se déshabille, c'est le striptease ouais, ce matin. C'est quoi, je l'enlève, voilà. Bon, 7h35, bon réveil tout le monde. Je vous rappelle la petite devinette qui colle envoyée par Fred. Comment appelle-t-on un dinosaure homosexuel? Voilà, pas mal de messages qui sont arrivés. Un chipotalanus, Thierry Charleroi. Non. Ah, c'est presque ça. Mais hein. c'est pas loin. Un homo sapiens, c'est Seba de Teux. Non, c'est pas ça du tout, par contre, là, pour le coup. Le déchiranus. Non, oh c'est non, dégueulasse. Non, faut pas non, mais surtout, c'est pas ça non plus. Si vous avez la bonne réponse, ça commence bien par tri. Hein, voilà, comme ça, vous savez. Mais c'est la fin. Hein. Un homosaure. Non, pas du tout. 63,22, c'est 1€ par message. Et il y a des écrans à gagner. Écran plat HD, si vous avez la bonne réponse. Comment appelle-t-on un dinosaure homosexuel? 7h35 sur Fun Radio. Et on va écouter le son des Maroon 5 maintenant. Christina Aguilera, c'est Moves Like Jagger. Et juste après, Mickaël réveille la Belgique sur Fun. 7h38 sur Fun Radio. Bon réveil tout le monde. C'est Mickaël à la radio. On est là évidemment jusqu'à 9h30 avec les factures qu'on va vous rembourser tout à l'heure. Si vous voulez qu'on vous paye vos factures, c'est facile. Ce sera dans à peu près une demi-heure. Bah dans une demi-heure tout pile, en fait, à 8h10, on vous remboursera vos factures. Et si vous voulez qu'on vous les rembourse, comme je le disais, 63,22, débutez le message par facture. Exactement, vous mettez le montant de la facture ainsi que l'objet de la facture, c'est 1€ par message. Et donc bah, on vous appellera peut-être en direct dans une demi-heure pour vous rembourser votre facture. D'ailleurs au niveau des factures, on fait un tour du côté de ce qui est arrivé. Alors au 63,22, il y a facture du prêt hypothécaire 420€, 411,70€ pour l'assurance voiture, 282€ pour la taxe de roulage de mon frère, 590€ pour vous. Ah bah dis donc. Je sais pas si tu les as payés un jour, vous, mais 590€, ça me paraît bien cher. Ça fait 10 ans que t'as la télé et que t'as jamais payé. Peut-être, en fait. Ouais. Précompte immobilier, 264€. Qu'est-ce qu'il y a aussi? 133€ pour la prime assurance vie, 90€, mais on sait pas pourquoi. 475€ pour le loyer, 50€ pour une recharge téléphone. D'accord, pourquoi pas. Qu'est-ce qu'il y a aussi? 880€ pour le prêt hypothécaire. Bref, si vous voulez vous inscrire, 63,22, débutez le message tout simplement par facture avec le montant de la facture ainsi que l'objet de la facture. Et c'est 1€ par message. Voilà, bon. Et bon, et comme on est mercredi aujourd'hui, et mercredi c'est... les magnifiques critiques cinéma du magnifique Menzov. Oui maman, mais pas venir Ukraine maintenant. Oui oui, je vais aller voir Robinetto, mais beaucoup de travail avec nouveau film. Dites monsieur Menzov, ça vous dérange pas qu'on soit à l'antenne pendant que vous êtes au téléphone? Ok, ok maman, oui je dois te laisser. Oui, je dirai à Robinetto, bon baiser de Belgique. Désolé mais maman au téléphone Mickaël. Ouais ouais, c'est ça ouais. Bon, tiens, votre frère Robinetto là, il est pas là aujourd'hui? Non, je suis très triste car Robinetto hôpital. C'est pas marrant ça. Enfin, ce sera toujours plus calme que les autres fois hein. Mais bah alors qu'est-ce qui s'est passé monsieur Menzov là? Enfin sans vouloir être trop indiscret là, vous avez l'air triste là, il y a eu un drame? Oui, frère beaucoup boire hier et bagarre pendant un tournage. Bah ah, tiens. Vous êtes comme ça. Mais alors avec qui? Vous le dites à personne alors? Non, bah non. Bah non, et puis en plus c'est pas comme si on était à la radio en même temps hein, monsieur Menzov. Hier on avait cascade avec monsieur Belmondo et Robinetto disputé et... ouais, enfin bah maintenant que vous avez commencé on veut tout savoir là, dites tout. Bien, donc frère disputé avec monsieur Belmondo pour faire cascade et chien de monsieur Belmondo a mordu nez de frère. Enfin, entre nous, hein, tant que c'est pas les couilles. Non, parce que le chien de Belmondo... Enfin, Toff, le chien de Belmondo, il est aussi grand que ma main. Bon, enfin, cela dit, je peux comprendre que ça puisse faire mal. Hein. Mais bon, vous voulez toujours faire les critiques ciné aujourd'hui, monsieur Menzov, ou pas du coup, alors? Non, Mickaël, je préfère aller voir frère à l'hôpital. Oui, bah, enfin, vous avez raison. Allez-y, allez-y seulement, hein. Est-ce que je peux demander quelque chose, monsieur Mickaël? Bon, ça m'ennuie un peu, mais allez-y toujours. Est-ce que vous pouvez tous faire prière pour frère et mettre musique Ivan Rebrov pour ouais. vite guérir? Bon, bah, 2 secondes, alors, hein. Ah non mais quelle horreur. Ah bon bah c'est pareil hein. Bon monsieur Menzov, la bonne soirée. Oui c'est ça, vous pouvez partir hein. Mais ça fait quand même des vacances, c'est triste pour son frère. Mais quand même ils prennent moins de... enfin tu vois ça prend moins de place dans le studio quoi. Ah Toff il est parti là. Ah ouais là il est parti ouais. Il est parti, allez bougez pas de là. Fun Radio, courage, 7h42, on revient dans quelques instants avec la ligne anti-relou. Et la réponse également la question que je vous ai posée tout à l'heure qui était la petite devinette qui colle. Devinette qui colle, je vous la repose. Je l'ai plus sous la main, comment appelle-t-on un dinosaure homosexuel? Un triture-moi l'anus. Non, c'est pas ça, c'est trop long, hein, voilà, comme ça vous chipotez pas non plus. Il y en a plein qui proposaient tripote à l'anus. Non. Ah non. Il y a une lettre en trop, si je peux me permettre. Oh, j'étais là, mais qu'est-ce que tu ah fais oui. Tu balances, ah tu dis que la mauvaise réponse. Il y a une lettre en trop, il y a un écran, ah oui. un écran plat à gagner, c'est un HD, on donne la réponse dans un instant. 63,22 pour les inscriptions, c'est 1€ par message. Plus excitant que la caféine, plus vitaminé que le jus d'orange. Tous les matins, Mickaël vous réveille sur Fun Radio. Et restez bien là, 7h47 sur Fun Radio, dans 2 minutes ou 3 minutes, Pitbull qui va débarquer avec Rain Over Me. Mais avant ça, on fait un tour du côté de la route. Maintenant, il se passe des trucs. Des trucs. C'est mon côté portugais qui ressort. Des trucs qui changent de trucs sur la route. Sous l'eau des neuf, Bruxelles. Non, il y a que moi qui peux faire ça parce que je suis portugais. Toi, c'est vraiment c'est considéré comme une vase raciste. Ah, d'accord. Alors, sur le 19, Bruxelles vers Anvers, entre Mechelen Sud et Reims. Est-ce que tu peux faire pareil, mais en caressant les seins? Non, pas du tout. Non, mais là, non, à un moment donné, il faut se calmer. Donc, le trafic est perturbé. D'accord. Vous roulez à 20 km/h et votre temps de retard est quand même de 30 minutes. Le trafic est perturbé. Bon, donc là, ça évitera les embouteillages, c'est toujours ça de près. Bon, allez, la ligne anti-relou maintenant. Mickaël à la radio. Pour un monde sans relou. Mais oui, chaque jour à 7h moins quart, 8h moins quart et 9h moins quart, la ligne anti-relou, les meilleurs messages qui ont été laissés sur cette ligne anti-relou, c'est-à-dire le 0473 86 0013. Dès que vous croisez un relou dans la rue, en soirée, n'importe où, eh bien, n'hésitez pas à lui donner ce numéro. Il pensera que c'est le vôtre et laissera son message. Et on écoute maintenant les messages qui ont été laissés sur cette ligne. Bonjour Vanessa, c'est Nicolas. J'ai vu ton annonce sur Internet et je voulais te proposer de ensemble, de s'amuser, de faire la fête et autre chose. Voilà, rappelle-moi, au revoir. Bon, malheureusement, il n'aura pas de réponse. C'était un relou, mais un relou gentil. Oui, oui, ça va, il a encore une voix sympa, voilà. Je trouve. Il n'a pas une voix de pervers comme certains l'ont. Oui, bah comme lui, par exemple. Je vois pas de quoi tu parles. Oui, je sais pas quoi dire, quoi. Ah, d'accord. Voilà. Bonjour, ah, j'espère que ça va bien. Tu as déjà laissé quelques messages, non? Ah oui, certainement. Je reconnais cette voix. Ouais. Ah ouais, t'inquiète pas, il en a laissé pas mal, là. Bon, et puis le dernier message aussi laissé sur la ligne anti-relou ce matin. Ouais, allô Florence, ça fait 2 heures que je t'attends, là. Allez, non. Moi, je suis saoul, là, je t'attends, je suis pas bien. Ça s'entend. Tu m'as donné ton numéro et j'aimerais bien savoir quoi, tu vois. Et c'est pas cool pour moi de savoir que tu me réponds pas. Bah, c'est ça. Ça fait 2 fois que je te téléphone et c'est pas cool. À un moment donné, il faut comprendre. Me rappeler, gros bisous. Voilà. Mais oui, gros bisous, bien sûr. Non, mais les pauvres, à un moment donné, il faut quand même comprendre que si on ne rappelle pas, on ne rappellera jamais. Oui, il y a de fortes chances. Ça ne sert à rien de laisser plusieurs messages. Il y a de très fortes chances, effectivement. Oui. Bon, bah voilà, le retour tout à l'heure de la Nianti Relou, ce sera bien évidemment à 9h moins quart sur Fun Radio. Et là, il est 7h50. On a quelqu'un pour la réponse ou un peu plus tard? Non, mais un peu plus tard, c'est pas grave, on a encore un petit peu de temps. Mais... c'est pas grave. Comment appelle-t-on un dinosaure homosexuel? 63,22, c'est 1€ par message. Il y a des écrans plats à gagner HD. On va filer ça juste avant les infos de 8h. Voilà, comme ça on sera à la cool. On aura encore Charles, un étudiant qui est venu nous rejoindre ce matin pour essayer de trouver une école. On va le recevoir d'ici quelques instants à nouveau. 7h50 sur Fun. Bon réveil, c'est mercredi le 31 août et c'est Pitbull et Marc-Anthony maintenant. Rain Over Me. 7h54 sur Fun Radio, bon réveil. Pitbull à l'instant avec Marc-Anthony. C'était la bombe du moment avec Rain Over Me. Restez bien là, puisque dans quelques instants on paiera vos factures au 6322 en débutant le message par facture comme chaque matin. Vous débutez par facture, vous mettez le montant de la facture ainsi que l'objet de la facture. C'est aussi simple que ça. Et nous avons toujours Charles avec nous depuis ce matin 6h. Wesh, ça va ou quoi? Toujours là? Ça va Charles. Charles qui est venu donc pour nous montrer la galère qu'il traverse pour trouver une école qui veut bien le prendre pour la rentrée. C'est exactement ça. Hein. Pourtant, je comprends pas. Je suis quelqu'un qui aime l'école. Attends, ça va faire 3 fois, je refais ma 4e. C'est pas de l'amour avec l'école, ça. Ouais. Bon, le problème, c'est que j'ai un peu de business au quartier. Du coup. Oui, évidemment. Bon, tout à l'heure, on avait appelé Philippe Ville. Donc là, l'assistante, enfin la secrétaire, avait l'air ouverte pour vous accueillir, Charles. Donc là, on va appeler à Bruxelles. Ouais. En plus, c'est plus près de chez vous. Ouais, c'est pratique. Ça, c'est plus facile. Tout, je peux y aller avec le métro. Parce que Philippe Ville, va falloir que je prenne le train. Ouais, c'est compliqué. Il va falloir que je me lève tôt. C'est surtout ça. C'est pas facile. La vie dure. Ben oui, la vie est très dure. Bon, allez, c'est parti, on y va, on appelle à Bruxelles maintenant, Charles. Hein. Soyez un peu plus poli que tout à l'heure. Beaucoup plus crade. Ouais, soyez un peu plus poli que tout à l'heure. Voilà, monsieur l'HB, bonjour. Wesh, bonjour madame. Voilà, j'appelle parce que je viens de me rendre compte que c'est la rentrée et j'ai oublié de m'inscrire. En quelle année? 4e. Mais vous recommencez une 4e? Ouais, je recommence, ouais, parce qu'en fait je l'avais déjà fait une première fois j'ai raté, et je l'ai refait une deuxième fois et j'ai raté, et donc là parce que ici c'est une école difficile, hein. Ouais, c'est à dire, moi, vous inquiétez pas, moi je me laisse pas faire comme ça, il y a pas de problème, hein, moi je peux, vous inquiétez pas, hein, c'est pas grave s'il y a des mecs un peu chelous, moi je sais m'en occuper, hein. Mais de toute façon, moi, je sais pas. Il faudra voir que le 6, parce que comme la section sciences humaines, c'est la plus prisée, si on veut. Ah ouais, je comprends. Donc c'est pour ça que je ne sais pas vous dire. Je vais pas vous donner un rendez-vous maintenant, parce que ça sert à rien, parce que je ne sais pas vous dire s'il y aura de la place. Ouais, je comprends. C'est-à-dire que s'il n'y a pas trop de place, c'est pas grave, je viens qu'une fois de temps en temps, voilà, hein, moi il n'y a pas de problème, hein, je peux m'arranger, hein, si ça vous là, fait ça de va la place. Il y a l'obligation scolaire. Ouais, mais vous inquiétez pas, hein, je viens pour les examens, il n'y a pas de problème. Hein. Non, parce que bon, comme j'ai déjà fait deux oui, fois. Oui, mais non, mais on va pas à la carte comme ça à l'école. Hein. Non, c'est pas la carte, mais bon, faut que vous compreniez, moi aussi que j'ai des obligations, j'ai le business au quartier, je peux pas. Vous voyez quoi, je peux pas non plus. Mais l'école c'est obligatoire, hein, donc. Ouais, bah c'est pour ça que je t'appelle. Si vous avez trop d'absences irrégulières, ici vous n'allez pas vous en sortir, hein, si vous suivez pas assidûment. Oh, vous inquiétez pas, madame, moi je suis régulier, hein, vous inquiétez oui, pas. Oui, mais si vous dites que vous venez pas tel jour pour tel machin, on va pas vous mettre comme élève régulier, hein, vous serez mis en élève irrégulier, hein. Ah, attendez, moi si. Et alors vous recevrez plus vos allocs. Ah ouais, mais non, parce que moi c'est pas possible ça. Moi je suis un élève régulier, il y a pas de problème, hein. Moi je viens là, je viens vous une fois. Venez de me dire qu'il y a plein de jours où vous ne viendriez pas. Ouais, mais moi je viendrai régulièrement une fois par semaine, il y a pas de problème, hein. Une fois par semaine. Bah ça c'est pas assez, hein, ça je peux vous dire. Bon, je ferai un effort. Non mais je vais vous laisser, hein, ressonner le 6. Ça bon va d'accord, je ressonne le 6 et on s'arrange pour trouver une place, ouais. Alors. Franchement, merci madame. Hein. Elle est partie. Ça a l'air mal barré quand même. Oui, ça a l'air mal barré. Ouais, surtout Charles. Essayez la prochaine fois de ne pas dire que vous êtes irrégulier, enfin que vous ne devez pas venir souvent. Quoi. Je suis pas irrégulier. Je viens une fois de temps en temps. Ouais, c'est pas pareil. C'est ça. Enfin, oui. Donc c'est un peu irrégulier. Bon, on reste. Au moins il est honnête. Hein. Voilà, on essaiera dans une autre école tout à l'heure, Charles. Hein. Restez bien là, d'accord. Non, moi, je bouge pas. Là, de toute façon, je sais pas où je vais aller. Donc, d'accord. Ok. Il n'y a pas de problème. Mickaël à la radio. Salut, c'est Jean-Roch. Tous les matins, j'écoute Mickaël. J'adore Mickaël. Non, en fait, j'adore pas. Il est relou. Et il est 7h58 et donc Julie est toujours malade. Mais oui, mais je pensais que le micro n'était pas encore allumé. Petite lumière rouge au-dessus, Julie. Ah oui, mais ça, c'est au moment où je toussais que tu l'as rallumé, t'aurais pu faire attention. Ah non, quand je t'ai même pas touché. Comment elle est malade. C'est violent quand même. Ah mais je tousse encore, c'est vrai. Bah, comme oui. Quoi, une grippe, tu peux la tirer pendant deux semaines. Ça, c'est clair. Bon alors, j'avais bien une vanne là, mais bon, je vais me retenir. Mais oui, mais je me suis dit que quand même, il était 7h58 et que j'avais pas la frère. Voilà, bon, alors, je disais qu'il y a les factures qu'on va vous rembourser dans un instant et puis on a la réponse ou pas là maintenant Non. Ah bah, il va falloir la prendre à un moment ou à l'autre. Faut bouger, à un moment, faut y aller, top là. Hein. Attends, tu m'as dit, on a le temps alors. Bah, on a le temps, j'ai dit avant les infos, 7h58. Je me suis dit que c'était pas mal de faire ça maintenant là. Ah, ça y est. Pose le numéro. La question qu'on a posée tout à l'heure, donc, quel est, comment appelle-t-on un dinosaure homosexuel? Voilà. Alors, un dinosexuel, c'est Bastien le routier de Mons. Non, c'est pas la bonne réponse, Bastien le routier de Mons. Je suis désolé. Hein. Le retour de Marge Simpson. Mais ah oui, tout à fait. Mais oui, mais je fais ce que je peux. Je ferai les infos dans un non, instant. Non, j'ai un petit peu retrouvé ma voix. Pas complètement, mais ça va mieux. Ça va mieux. Ouais. Bon, faut dire ce qui est, ça va mieux quand même. Allô, bonjour, qui est là? Anthony. Salut Anthony, t'as quel âge, t'es dans quelle ville? 22 ans, je suis de Charleroi. De Charleroi, et oui, quand on ajoutait qu'on était premier sur Charleroi, c'est normal, 103.5 pour écouter fun à Charleroi. Et dis-moi, Anthony, tu as la réponse donc à la question, à la devinette qui colle, c'est-à-dire comment appelle-t-on un dinosaure homosexuel? Un tripotanus. Exactement, tout à fait. C'est une bonne réponse qui te permet de repartir avec un écran plat HD qu'on va t'envoyer à Charleroi très rapidement. Ah, c'est très gentil de votre part. Avec plaisir. Salut à toi, Anthony. À bientôt. Merci. Bye. Et il est 8h pile sur Fun Radio. Bon réveil tout le monde. Les infos maintenant avec Julie. Salut à tous. Véritable exploit pour Kevin Borlée hier au Mondiaux d'athlétisme à Daegu, en Corée du Sud. Il a décroché la 3e place et donc la médaille de bronze. Son frère Jonathan a terminé 5e et dans 24 heures, ils disputeront le 4x100 mètres. À l'US Open, Darcy et Wickmayer se sont qualifiés pour le 2e tour, tandis que Olivier Rocus a été éliminé. Dans le reste de l'actualité, la formation et le statut des pompiers volontaires est remis en cause. Lundi soir, les pompiers de Jodogne ont perdu l'un des leurs dans un incendie à Melun. Ce drame pose à nouveau la question du statut des pompiers volontaires. Les hommes du feu demandent une meilleure formation, mais aussi une reconnaissance des dangers qu'ils affrontent au quotidien. La Fédération royale des corps de sapeurs-pompiers de Belgique pourrait mener des actions prochainement avec d'autres syndicats. Au chapitre politique, le formateur Elio Di Rupo va présenter des modifications à sa note. Ces modifications porteront à la fois sur BHV, la loi spéciale de financement, les transferts de compétences et le renouveau politique. Il présentera ses modifications ce week-end aux 8 présidents de parti. Demain, c'est la rentrée et c'est aussi le jour où Joëlle Milquet passera la main à Benoît Lugène après 12 ans de présidence du CDH. Elle restera vice-première ministre et ministre de l'Emploi du gouvernement Le Terme en affaires courantes et elle continuera à mener les actions des négociations institutionnelles au nom du CDH pour la formation d'un gouvernement. À Braine-l'Alleud et Waterloo, vous risquez de ne pas recevoir votre courrier. Les syndicats ont déposé un préavis de grève. Une réunion est prévue dans la matinée pour faire le point sur la situation. Et puis préavis de grève également chez Flightcare. Le syndicat réclame une solution pour le problème de la charge de travail et de la surcharge exercée sur le personnel qui décharge les bagages des avions à Bruxelles Airport. Une réunion est prévue aujourd'hui avec la direction. Le Belge devient propriétaire à 31 ans en moyenne et il emprunte à taux fixe sur 20 ans. Ces chiffres ont été révélés par une enquête d'ImoWeb publiée dans le journal L'Écho. On apprend également que 10 à 20% de cet emprunt sont financés sur fonds propres. Le nouveau propriétaire a également dépensé entre 10 000 et 30 000 euros de travaux. La vente a été réalisée en général auprès d'un particulier et aura mis un peu moins de 3 mois pour trouver la perle rare. Et puis enfin, pour éviter les bouchons, il faut évacuer les voitures avec les victimes à l'intérieur. Écoutez, c'est une... je pisse de sang, mais c'est pas grave, on va gagner du temps. C'est une solution très sérieuse proposée par Touring Mobilis. Selon l'organisation de la mobilité, la proposition est réalisable avec les personnes décédées ou des blessés légers coincés dans leur véhicule. Touring propose également de diminuer les déviations via des routes secondaires lors d'accidents. Il faut dire qu'un quart des bouchons est causé par des accidents. Très bien, bon, effectivement un peu bizarre hein, l'idée de Touring, il y avait un SMS assez qui disait spécial, aussi que c'était assez particulier. Mais bon, ça va faire réagir pas mal de monde. Ah, il y a des chances, ouais. 8h03 sur Fun Radio, et c'est la météo. Alors aujourd'hui c'est un ciel plein d'éclaircies, mais quand même entrecoupé de nuages. Normalement pas de pluie à prévoir. Maxima entre 15 degrés sur les sommets de l'Ardenne et 19 degrés en Campine. Demain, temps sec, mais nuages toujours présents et jusqu'à 20 degrés. Dans un instant, restez bien là puisque c'est l'info en plus qui arrive, ce sera dans 30 secondes. Fun Radio. Fun Radio. Restez bien là sur Fun Radio, c'est Rihanna qui va arriver dans quelques secondes avec Man Down. Mais avant ça, évidemment, l'info en plus, Julie. Alors oui, je voulais vous parler des chaussettes puantes qui sauvent le monde. Enfin, qui sauvent le monde. En tout cas, qui sauvent les pays qui souffrent. Toujours su que ça sauvera quelque chose. Ouais, c'est ça, ouais. En tout cas, qui sauvent les pays qui souffrent de paludisme, comme en Afrique, évidemment. Un dispositif, donc un appareil, a été inventé dégageant une odeur de chaussettes très sale. Ah et ouais. Cet appareil parvient à piéger, tenez-vous bien, paludisme. À piéger les moustiques. Ah, bah oui. Ah, d'accord, pardon, qui sont vecteurs de paludisme. Parce qu'il faut le savoir, les moustiques aiment bien tout ce qui est odeur de transpiration, etc. Donc, si vous transpirez beaucoup, je pense que vous avez forcément beaucoup moralité, de piqûres de moustiques. Lavez-vous. Moralité, lavez-vous premièrement. Oui, c'est ça, mieux. C'est sûr. Et puis, mettez les chaussettes sales très loin de vous pour oui, ne pas aussi, ouais. C'est attirer aussi. Trop les moustiques. Non, mais très c'est bien, tu vois, chaussettes sales qui sauvent les gens du paludisme. Mais oui, mais c'est beau, mais c'est beau, évidemment, c'est magnifique, quelle belle info. 8h05 sur Fun Radio, l'info revient tout à l'heure. Dans un instant, on paiera vos factures. Et puis, j'ai la petite question qui colle maintenant. On enchaîne cette fois-ci avec les jeux Harry Potter, les reliques de la mort. Les reliques de la mort. Tu veux pas, volume 2. Pas volume 2, exactement, à gagner. Ça, c'est le jeu vidéo qui marche sur n'importe quelle console. Ou alors l'additionnel des Sims 3. Ou encore les cadres photonumériques XXL au niveau de l'écran. Donc ça peut être un bon plan, ça. Qu'est-ce qui est le plus propre? Là, c'est facile, deux possibilités. Je vous expliquerai juste après. Vos toilettes ou votre bureau. 63-22 si vous avez la bonne réponse. C'est 1 euro par message. Il y a donc, comme je le disais, les cadres photonumériques XXL, Harry Potter, le jeu, les reliques de la mort, partie 2, ou encore l'additionnel des Sims 3, 63-22, 1 euro par message. Qu'est-ce qui est le plus propre? Vos toilettes ou votre bureau? La question, c'est... Chez Julie, qu'est-ce qui est le plus propre? Ses toilettes ou son bureau? Ah, si tu savais. Eh ben, je sais pas, justement. Hein. En tout cas, Fun, c'est pas compliqué. C'est mon les bureau. Deux. C'est vrai. Ah, ouais, je confirme, ouais. Voilà, la réponse au 63-22, c'est 1 euro par message. Bonne chance. On paye vos factures après le son de Rihanna et Man Down sur Fun Radio à 8h06. Bon réveil. Rihanna sur Fun Radio à l'instant, 8h09. C'est mercredi le 31 également aujourd'hui. 31 août 2011, dernier jour des vacances. Oui, enfin bon, pour nous, ça fait quand même un petit bout de temps. Hein, oui, ça fait un petit bout de temps, ça fait un petit bout de temps, mais effectivement. Mais c'est vrai que c'est la rentrée. Mais oui, c'est ça. Tous les matins, Fun Radio paye vos factures. Exactement, c'est à 7h10, 8h10 et 9h10. Fun Radio paye vos factures. On vous appelle, quelqu'un au hasard qui s'est inscrit au 6322 en débutant le message par facture, comme facture de prêt hypothécaire 420 €, facture d'entretien de la voiture 186 €, facture de GSM 144 €. Ah oui, quand même. Hein. Ah ouais, ouais, ouais. 150 € de stage de tennis et de Clément 5 ans. X20, meuble de salle de bain. Allô. D'accord, allô, bonjour. Bonjour. Comment ça va? Super. Bah tant mieux, comment tu t'appelles? Karine. Salut Karine, t'es dans quelle ville Karine? Du côté de Charleroi. Ah bah tiens, encore. Évidemment. Mais oui, mais je dis qu'on était premier à Charleroi, ouais, c'est mais normal. Oui, mais bon, que les autres se réveillent un peu. C'est vrai aussi, Charleroi sur 103.5. Dites-nous les autres, à Nivelles, à Wavre, à Huy, à, je sais pas, à Liège, à Verviers, à Dinan, à Jean-Blou, à Arlon, à Bastogne, à Marche, bref. Est-ce qu'il y a des gens qui écoutent là derrière? 3044, vous nous dites, ou alors sur le Facebook, mikael.fm. Bon. On va payer une facture de combien chez Karine là? C'est une facture de téléphone de 50 ou 60 €, je ne sais plus. 63 €. 63, tu téléphones beaucoup Karine? Non, c'est ma fille. Ah bah bravo. Quel âge est-elle ta fille? 12 ans. 12 ans? Ouais. Ah, il faut mettre un code sur le téléphone. Alors là, il faudra qu'elle se calme parce que qu'est-ce que ça va être plus tard, quoi. Ah, ça va être quoi plus tard, effectivement, ouais. Bon, eh ben voilà, on va te rembourser la facture, il n'y a pas de problème, Karine. Je te fais des gros bisous, Karine. À bientôt. Merci, au revoir. Salut, Karine. Bon, ben voilà, bonne nouvelle. Enfin, pour elle, en tout cas, pour le reste de la radio, ça allait beaucoup moins. Hein. Mais sinon, pour elle, c'est une bonne nouvelle. Oui, il va très mal depuis ce matin. Ouais. Très, très mal. Les Superman Lovers, qu'on va écouter maintenant avec Starlight sur Fun Radio. 8h11, bon réveil sur Fun Radio dans un instant. L'horoscope avec Doudou. Ça fait du bien pour se réveiller ça, les Superman Lovers à l'instant avec Starlight sur Fun Radio et plein de messages qui sont arrivés. J'habite à Wavre, mais je pense que je vais déménager à Mont-Saint-Marc, d'accord, ok. Alors qu'est-ce qu'il y a aussi? Salut, je suis à Huy, je vous écoute tous les matins, ça met du soleil dans ma journée. Gros bisous, c'est Nadette. Bon bah très bien, bah, ça, en même temps il y a du soleil dehors, donc ça va pour le coup, c'est pas que nous. J'écoute à Jean-Blou, on écoute de partout, même de Campen Out. Je vous écoute à Route Saint-Jeunesse et je vous adore. Bon bah tant mieux, je vous écoute de Nivelles, ça marche aussi sur 90.6. Namur en force et Jérémy, bonjour de peine. Également. Bon, ben bah, ça va, excellent. C'est très bien. Mais oui, c'est toujours des gens de Charleroi pour n'importe quoi. Les gens de Liège et autres arrêteront d'envoyer des SMS. Oui, bah, hey, on est plus écoutés à Charleroi. Donc, forcément, par la force des choses, il y a peut-être plus de gens qui s'inscrivent. Donc, oui, au hasard, c'est normal. C'est pas écrit qu'ils sont de Charleroi. Ouais, voilà, on peut pas le savoir à l'avance que c'est des mecs de Charleroi ou des filles de Charleroi. Hein, oui, mais moi, bon. Je me souviens d'une époque où c'était l'homme qui faisait le standard, il y avait que des gens de Liège. Bah voilà. Est-ce qu'il y a un rapport? Bah, on sait pas. Bon, ici, région de Charleroi, tu mets mes vaches de bonne humeur dès le matin. Eh ben écoute, tant mieux. Si je peux rendre service, moi ça me fait toujours plaisir. Bon, petite question, la question qui colle là. Qu'est-ce qui est le plus propre, vos toilettes ou votre bureau? Si vous avez la bonne réponse, 6322 avec la réponse. Il y a des cadres photo numériques à gagner ou alors des jeux vidéo Harry Potter, les reliques de la mort. C'est la partie 2 qu'on vous file sur n'importe quelle console. C'est à vous de voir. Et les cadres photo numériques, c'est les cadres photo numériques XXL. Bon, allez, 8h16, l'horoscope maintenant. Fun Radio. L'horoscope. Doudou, c'est l'horoscope. Ah, Doudou. Oui, pardon. Doudou dort toujours. Bah, vous étiez endormi vraiment ou? Mais non, pas du tout. Je posais ma vue pour mieux lire l'horoscope. Ah, après. Bah bien sûr. Et le filet de bave là, c'était pour la rincer la bouche là, non? Oui, c'était pour avoir la voix plus claire. D'accord. Allez, on va commencer avec les béliers, Doudou. Superbes chances professionnelles. Les superbes chances professionnelles ne vont pas avec votre poste plein et tout vide. Oui, ça je le confirme. Les taureaux. Vous réagissez calmement face au changement et vous surmontez les sans problème. Les Gémeaux. Aujourd'hui, ce n'est pas toujours facile de faire la différence entre amis et adversaires. Les Cancers. Les affaires d'amour sont sous un bon signe aujourd'hui. Eh oui. Ça va ramener. C'est ça. Les Lions. Vous êtes irrités sans savoir vraiment pourquoi. D'accord. Les Vierges. Courage, c'est le mot magique. Et le mot magique en ce moment, c'est repos. D'accord, les balances. Soyez juste et restez équilibré. Les scorpions. Balance, équilibré. Oui, on a compris la vanne. Ah, le jeu de mots incroyable. Oh. Les scorpions. Oui. Même si tout va bien dans votre vie privée, vous avez tout de même négligé votre partenaire. Les sagittaires. La soirée sera certes agréable, mais peut-être un peu explosive. Alors ne buvez pas trop. Bah, il vaut mieux. Hein. Les capricornes. Ne vous repoussez plus. À plus tard, les problèmes désagréables. Réagissez tout de suite. Bah, c'est mieux. Les Verseaux. Le stress a une mauvaise influence sur votre morale. mais cela va rentrer dans l'ordre. D'accord. Et enfin, les poissons pour terminer. Laissez les autres régler leurs problèmes. C'est le mieux à faire pour rester zen. D'accord. Bon, ben merci Doudou. On vous réveille de nouveau et on vous retrouvera aussi probablement tout à l'heure dans une heure, d'accord ? Oui, d'accord. Très bien, on fait comme ça. Parfait. À tout à l'heure. Mais à tout à l'heure, Doudou. 8h18 sur Fun Radio dans un instant. La réponse à la question qui colle, je vous le répète comme ça. En même temps, il y a deux possibilités. Hein. C'est pas très compliqué aujourd'hui. Qu'est-ce qui est le plus propre ? Vos toilettes ou votre bureau ? Voilà, la réponse au 6322, c'est 1€ par message. Il y a des cadres photos numériques. XXL l'a gagné. Mickaël, à la radio. Hey, Mickaël, c'est John McClane. Bon, j'ai appris que c'est toi qui as la dure mission de réveiller la Belgique. C'est bien ça, mon gars. Alors je te préviens, papa, que si t'es pas là tous les matins à 6h, c'est moi qui viens personnellement te botter le cul pour te sortir du cul à coups de latte dans le fion. Et crois-moi sur parole que tu vas le sentir passer. Je fais du 46, coco. Mickaël à la radio. Mickaël à la radio. Allez, youpikaï, pauvre con. Britney Spears sur Fun Radio avec I Wanna Go. Il est 8h22. Bon réveil tout le monde avec les messages qui arrivent encore au 6322 par rapport à la question qui colle. Et nous avons qui maintenant avec nous pour la question qui colle? Nous avons G, 23 ans de Liège. Comment il s'appelle? G. G. G. Salut G. Allô. C'est comme ça que tu t'appelles? C'est G? Oui, c'est G, c'est mon pseudo. Ah, c'est un pseudo, oui, d'accord. Ah, c'est un pseudo, d'accord, G. Bon, t'appelles de Liège, on écoute Fun à Liège sur le 99 FM. Et t'es où là? C'est quoi ce, c'est quoi ce bruit? G! C'est quoi le bruit qu'il y a autour de toi? Je crois qu'il travaille. Je ne vous entends pas. Bah, bah, nous non plus. G! Je vous entends comme si vous étiez très loin. Oui, bah nous aussi. Hein. Attends, mais il est où le mec? Dans une machine à laver? G, c'est quoi la réponse? En tout cas, ma réponse, c'était les toilettes. Oui, oui, c'est d'accord, G. Merci, au revoir, G. Voilà, on va le reprendre en antenne parce que c'était horrible, G. Hein. Oh là voilà, là bon, là je vais vous expliquer pourquoi aussi. Donc, les toilettes sont 400 fois plus propres que votre bureau. Il faut 400 fois, mais attends. Et, ouais. Et visiblement, très ça dérange pas 62% des Américains qui déjeunent régulièrement sur leur bureau chaque jour. Et en plus de ça, 50% des salariés aux US grignotent régulièrement à leur poste et 27% ils déjeunent, voire même ils dînent pour 4% d'entre eux. Voilà. C'est vrai que il paraît que le clavier des ordinateurs et tout est dégueulasse. Ouais, quoi. Et non, comme on a tous un ordi sur notre bureau, déjà ça c'est une mine à tout le monde arrive. Il suffit que le mec ait un collègue aille aux toilettes, il se lave pas les mains comme il y en a beaucoup. Il arrive sur ton bureau, tu sais, il se pose. Avec les mains dessus, ouais. T'as toutes ces crasses qui restent dessus. L'addition de toutes ces crasses au final fait que c'est dégueulasse. Ça, et des crasses plus des crasses. Ah bah ça fait des grosses crasses. Ouais. Ben voilà, c'est ça. Bon, allez, on va enchaîner maintenant avec dans un instant la devinette qui colle. Mais avant cela, bien évidemment, on va prendre notre ami Sébastien Loeb qui est là pour la déclaration express. Ça va? Oui, ça va, très bien. Bon, bah tant mieux. En pleine forme. Tranquille. Bah ouais, tranquille. Bon, on va appeler qui dans un instant? Enfin, on a qui au téléphone là pour la déclaration express? Alexis, bonjour Alexis. Bonjour tout le monde. Comment vas-tu? Ça va très bien. Ah, on t'entend bio, beaucoup mieux que G, ah ouais, non, hein, qu'on avait de Liège, hein, ça c'est clair. Hein. Ah, c'est le bonheur. C'est pour ça qu'on prend des mecs de Charleroi, parce qu'ils ont des bons téléphones. C'est ça, c'est ça. On n'a pas bon, le choix. Alexis, t'as quel âge? 18 ans. 18 ans. Bon, on va faire la déclaration express. Tu vas appeler qui dans un instant? Ta copine, ta future Sandrine. Copine? Sandrine, c'est ta copine, ou ta future copine? Ta copine. Une bonne amie. Ah, donc c'est pas ta copine, c'est une amie? Il aimerait que ce soit sa copine. Mais t'aimerais bien que ce soit ta copine? Ah, pourquoi pas. D'accord, ok, très bien. Allez, écoute, y a pas de problème. On l'appelle, tu lui dis voilà, j'ai un truc à te dire, et puis nous, on enchaîne derrière. D'accord? Ok. Allez. Si c'est le répondeur, bah tant pis, hein, tu laisses sur un message sur le répondeur. Ça va être le répondeur. Kikou, c'est Sandrine. Kikou, je te laisse. Laisse-moi aussi tes coordonnées, ce soit génial. Allô ma toute belle, c'est Alexis. Ouais, écoute, j'ai quelque chose à te dire. Je t'ai rencontré il y a plusieurs mois. Direct, j'ai voulu venir chez toi. Je pensais que t'avais déjà des mômes ou un mec avec une tête de gnome. On s'est connus sur un forum. Je me suis tripoté. Ah, je suis comme une dingue. Beaucoup d'instru hein, quand même. Ah, d'accord, donc ça c'est de l'instru. Ok, et on doit attendre. Ah, bah oui, on doit attendre. Ouais. allez, ça va aller, ça va aller. C'est bon, on va aller jusque là, ça sera très bien comme ça. Merci. Alexis. Oui. Bon, voilà. J'espère qu'elle aura bien apprécié sa petite chanson, sa petite déclaration express. Et tiens-nous au courant pour voir comment elle a réagi, bien, mal, tout ça, dis-nous. Hein. Ah, ok, je vous tiendrai au courant. Bon, je compte sur toi. Salut Alexis, passe une bonne journée. Salut. Ciao. Au revoir. DJ Abdel, ça va arriver dans un instant sur Fun Radio avec Soprane, bébé. C'est ma live sur Fun Radio à 8h27. Mickaël à la radio. Tous les matins. Tous les matins, Mickaël est en direct sur Fun Radio. Fun Radio. 8h30 sur Fun Radio, bon réveil tout le monde, c'est mercredi le 31 août et la petite devinette qui colle, la devinette qui colle c'est pour gagner un écran plat HD qu'on vous file si vous avez la réponse à cette petite devinette, pas très compliqué cela dit au passage, Dof à trouver directement c'est pour vous dire. Forcément. Bah oui, quel est le plus petit paradis au monde? Bah oui, bah, forcément. Quel est le plus petit paradis au monde? Le paradis préféré de Top, j'ai envie de dire aussi. Ouais, bah de la majorité des hommes en règle générale. Hein. 63-22, si vous avez la bonne réponse, c'est 1 euro par message. Quel est le plus petit paradis au monde? Il y a des écrans plats à gagner HD. Dans un instant, on va jouer au petit déj service également avec Top qui va faire le tour du studio avec son plateau. Si vous arrivez à deviner combien d'objets il restera sur le plateau, vous gagnerez également des cadeaux. 30-44, là aussi, il faut débuter votre message par déj. Et puis là, 8h30. L'info qui n'attend pas évidemment avec Julie. Jamais, salut évidemment. À tous. Véritable exploit pour Kevin Borley hier aux mondiaux d'athlétisme à Daegu en Corée du Sud. Il a décroché la 3e place et donc la médaille de bronze. Son frère Jonathan a terminé 5e déjà dans 24 heures. Ils disputeront le 4x100 mètres. Et puis à l'US Open, Darcy et Wickmayer se sont qualifiés pour le 2e tour. Olivier Rocus a quant à lui été éliminé. Dans le reste de l'actualité, la formation et le statut des pompiers volontaires est remis en cause. Lundi soir, les pompiers de Jodogne ont perdu l'un des leurs dans un incendie à Melun. Ce drame pose donc à nouveau la question du statut des pompiers volontaires. Les hommes du feu demandent une meilleure formation, mais aussi une reconnaissance des dangers qu'ils affrontent au quotidien. La Fédération royale des corps de sapeurs-pompiers de Belgique pourrait mener des actions prochainement avec d'autres syndicats. Au chapitre politique, le formateur Elio Di Rupo va présenter des modifications à sa note. Ces modifications porteront à la fois sur BHV, la loi spéciale de financement, les transferts de compétences et le renouveau politique. Il présentera ces modifications ce week-end aux 8 présidents de parti. Demain, c'est la rentrée et c'est aussi le jour où Joël Milquet passera la main à Benoît Lugène après 12 ans de présidence du CDH. Elle restera par contre vice-première ministre et ministre de l'emploi du gouvernement Le Terme en affaires courantes et elle continuera à mener les négociations institutionnelle au nom du CDH pour la formation d'un gouvernement. À Braine-l'Alleud et Waterloo, vous risquez de ne pas recevoir votre courrier. Les syndicats ont déposé un préavis de grève. Une réunion est prévue en matinée pour faire le point sur la situation. Et puis préavis de grève également chez Flightcare. Le syndicat socialiste réclame une solution pour le problème de la charge de travail et la surcharge excédée sur le personnel qui décharge les bagages des avions à Bruxelles Airport. Une réunion est prévue aujourd'hui avec la direction. Le Belge devient propriétaire à 31 ans en moyenne et il emprunte en couple à taux fixe sur 20 ans. Ces chiffres ont été révélés par une enquête d'ImoWeb publiée dans le journal L'Echo. On apprend également que 10 à 20% de cet emprunt sont financés sur fonds propres. Et puis le nouveau propriétaire a également dépensé entre 10 000 et 30 000 euros de travaux et a acquis en moyenne une maison de 150 mètres carrés avec 3 chambres. Et enfin, pour éviter les bouchons, il faut évacuer les voitures avec les victimes à l'intérieur. C'est une solution proposée par Touring Mobilis. Selon l'organisation de mobilité, la proposition est réalisable avec des personnes décédées ou des blessés légers coincés dans leur véhicule. Touring propose également de diminuer les déviations via des routes secondaires lors d'accidents. Un quart des bouchons est causé par des accidents. 8h33, on fait un tour du côté de la météo maintenant. Des éclaircies localement très larges seront entrecoupées de champs nuageux qui resteront inoffensifs. Cela veut dire normalement pas de pluie, température. C'est bien parce que prends pas de risque. Écoute, ça varie tout le temps. Théoriquement, il n'y aura pas de pluie. Hein, on va température voir. De 15 à 19 degrés, demain un temps sec et jusqu'à 20 degrés. Très bien, on fait un tour du côté de l'info en plus. Fun Radio. Fun Radio. L'info en plus avant d'écouter DJ Abdel et Soprano. C'est une info pour ceux qui cherchent de l'emploi. Faites attention, à l'heure actuelle, les recruteurs n'hésitent pas à faire un tour sur les réseaux sociaux afin de trouver l'employé idéal ou de repérer les points faibles des candidats à poste à pourvoir. Donc réseaux sociaux, ce qui veut dire Twitter, Facebook, etc. Et sur l'ensemble de l'année 2011, près de 90% des entreprises utiliseront ces plateformes sociales pour recruter contre seulement 6% l'année dernière. Donc ça fait un bond énorme. Ah oui, effectivement. Donc mettez à jour votre Facebook et évitez virez vos photos ou bloquez tout ça. Dans des vous étiez fermées, complètement bourrasque, quoi. Ouais. Donc voilà, c'était le petit conseil du jour. 8h35 sur Fun Radio. Bon réveil tout le monde. Le retour de l'info, ce sera tout à l'heure à 9h. Après ça, on paiera vos factures également. Et puis je vous rappelle la petite devinette qui colle également. Là, vous êtes peu nombreux aujourd'hui à trouver la petite devinette qui colle. Hein. Je vais vous donner un petit indice. Déjà, je vais répéter peut-être la petite devinette qui colle. Quel est le plus petit paradis au monde? On avait proposé Monaco. Non. Vous n'êtes pas dans le monde. Vous cherchez mal. C'est plutôt. Alors, un petit indice. Toi, on avait un par rapport à Julie. Non, rien à voir. Non. C'est le plus grand que je connaisse. Bon, toutes les femmes en ont. Ouais. Et sinon, j'ai un autre indice. Allez voir sur. Non, arrête. Un très bel indice. Ouais, c'est ça. Ouais. Bon, ben voilà. Donc non, mais en gros, voilà, ça se mesure en chiffres et en lettres. En gros. Ouais. Bah, c'est-à-dire que ça se situe. Ouais. Ça se situe au-dessus de la ceinture. Bah voilà, ouais. Voilà, on dirait ça comme et ça. En dessous du menton. Oui, voilà, c'est ça. C'est que chez les filles en général. 63-22, si vous avez la bonne réponse, donc qu'est-ce qu'il est. Pas du tout. Qu'est-ce qu'il est, mais quoi. Quel est le plus petit paradis au monde? 63-22, c'est 1€ par message. Il y a des écrans HD, écran plat HD à gagner. Et on va écouter maintenant le son de Soprano avec DJ Abdel. C'est ma life maintenant sur Fun Radio. Bon réveil tout le monde. J'étais avec Sopra à l'instant sur Fun Radio. Bon réveil, c'est ma life. Il est 8h40. Dans quelques instants, nous aurons la chance, bon pas pour le buzz de fun, mais sinon oui, de payer vos factures. Ce sera dans une demi-heure après l'info à 9h. Et puis là, je vais vous répéter la petite devinette qui colle. Pas mal de mauvaises réponses. Il y en a quelques-unes de bonnes, mais pas beaucoup. C'est dommage, c'est pourtant si beau quand c'est bien porté. Quel est le plus petit paradis au monde? On proposait une poitrine. Non, c'est pas ça qu'on cherche. Mais effectivement, on chauffe le ventre de maman. Non, 85B. Oui, pourquoi pas, mais il y a plus gros aussi. Bon, c'est pas ça qu'on cherche, mais qu'est-ce qu'on met? Voilà, hein. C'est plutôt dans quoi est-ce qu'on met un 85B? Oui, en gros, c'est voilà, exactement. Les seins d'une femme. Passez une excellente journée, c'est Dorian. Ça tourne autour de ça, hein, ouais, parce que. Ouais, voilà, c'est ça. Si ouais. Tu reprends les seins. On les met dans quoi, en fait, concrètement? Le nombril? Non, on les met pas dans le nombril, non, pas du tout. c'est sûr. Le cœur, non, c'est pas ça non plus. Le nombril, encore une fois, c'est Steve. C'est pas ça non plus. 63-22, c'est 1€ par message. On vous a bien aidé là, hein. La rue d'Arscott. Pour ceux qui connaissent pas la rue d'Arscott à Bruxelles, c'est la rue des putes. Voilà, on peut le dire. Il y a la rue des putes et puis la rue des putes. Voilà. C'est un peu les grands points de Bruxelles à visiter. Voilà. Rue des putes. Oui, voilà, c'est exactement ça. Oui, tout à fait. Dans les deux cas, on va casser la dalle. Oui, voilà, c'est ça. Bon, on disait les deux seins. Non, pas du tout. Donc, je répète encore une dernière fois. Quel est le plus petit paradis du monde? Voilà, vous avez la bonne réponse. 63-22. Et c'est 1€ par message. Et surtout, il y a un écran plat HD à gagner. Bonne chance, tout le monde. On va faire un petit Mickaël réveille la Belgique. Qui est là pour jouer à ce magnifique jeu? Anaïs, 18 ans de Hatte, où on écoute Fun sur 95.4. Salut Anaïs. Salut Mickaël. Comment vas-tu? Ça va bien. Bon, tant mieux. Anaïs, alors, c'est retour à l'école là bientôt? Lundi. Ah, lundi, ça va, t'as eu un peu de rab. Pardon? Je dis, tu as eu un petit peu de rab, ça va, parce qu'il y en a plein qui commencent demain. Donc c'est, ça les va. Plus, c'est les petits qui commencent demain. Ouais, c'est vrai. Bon, Anaïs, on va faire un Mickaël réveille la Belgique. Tu vas réveiller qui dans un instant? Je sais pas moi. Ah bah j'en sais rien moi. Tes voisins, ta famille. Oui, tes voisins, papa, maman, le frère, la sœur, je sais pas moi, n'importe qui. Mais tout le monde est réveillé à la maison. Ah bah oui, mais enfin tu appelles pour jouer à Mickaël réveille la Belgique et ta personne a réveillé Anaïs. Quel est l'intérêt? Bah oui. Comment on fait alors? Tu vas dans la rue, tu cries? Bon, tu sais quoi, on va faire un autre jeu. Allez, top, le plateau, hop, petit déj service, on y va. Ce sera plus simple. En même temps, s'il habite dans la campagne, à part des vaches à réveiller, ça va être complexe. Le problème de ce jeu, c'est que d'habitude, on fait ça à 7h30. Il y a encore des gens qui dorment. À 9h moins quart, c'est plus compliqué. Ouais, ça c'est sûr. Bah voilà, c'est ça. Tout tombe. Bon, alors, c'est pas compliqué. Attention, Anaïs, il y a 10 objets sur le plateau. 10 objets et Top va devoir faire le tour du studio avec ses objets. A ton avis, combien d'objets va-t-il rester quand il aura fait le tour du studio? Moi, je dis aucun. Aucun. Ah. D'accord. Hier, il avait un nouveau système. Hier, il mettait le plateau bien haut et il avait réussi à faire le tour sans rien faire tomber, sauf que Julie lui a fait un accroche-pied, c'était le drame. Moi, je fais rien parce que vu comment c'est haut, si ça me tombe sur la tête, laisse tomber. Quoi. Ça, c'est clair. Donc, allez, on y va. C'est parti. 3, 2, 1, je coupe la musique pour qu'on entende bien tout là. Là, il a j'ai même pas eu le temps de faire quoi que ce soit. Je crois que j'ai mal négocié le virage. Le virage. T'es parti trop confiant. T'es bien pris la fenêtre par contre. T'es parti trop confiant. Un peu vite dans le virage et c'est le drame. Trop confiant. Voilà. Bon, ben Anaïs, bravo, puisqu'il reste plus rien sur le plateau. Au demi-tour, hein. C'est même pas le tour complet. C'est juste le demi-tour. Bon, bah écoute, bravo quand même, Anaïs, hein, même si c'était pas ce jeu-là à la base pour lequel tu appelais. C'est pas très grave quand même. Anaïs, je te fais des gros bisous. Oui. Et tu restes au standard, on va prendre tes coordonnées pour t'envoyer ton cadeau. D'accord? Ça va, merci. Salut Anaïs, gros bisous à toi, à bientôt. Bisous. Ciao. J'ai fait qu'un demi-tour, on lui envoie qu'un demi-cadeau. Non. Ah. 8h43 sur Fun Radio, bon réveil, la Swedish House Mafia, ça va arriver dans un instant sur Fun Radio, ainsi que la ligne anti-relou. Mickaël, à la radio. C'est Homer Simpson sur Fun Radio. Alors comme ça, tu crois pouvoir réveiller tout le monde, hein? Eh ben, essaye de me réveiller déjà, espèce de petit... Mickaël, à la radio. Il est 8h48 sur Fun Radio et qu'est-ce qui se passe sur les routes, Julie? Mais écoute. Enfin, s'il se passe quelque chose, on sait jamais. Mais j'ai vu qu'il y avait quelque chose, qu'il y avait un accident sur le 411 Bruxelles en direction de Namur à hauteur de Engst. Alors vas-y, c'est en direction du Luxembourg. Bon bah voilà, comme ça au moins on sait. Je pense que ceux qui habitent dans le coin ou qui y sont comprendront de quoi je parle. Pas sûr. Et c'est la bande. Bah écoute, c'est écrit comme ça, hein, donc. H-E-I-N-S-S-C-H. Donc. Quelle idée, mettre autant de lettres. Voilà, c'est la bande droite qui est obstruée. Forcément, la circulation est fortement ralentie. Exactement. Voilà, donc faites attention si vous êtes sur la route également et que vous êtes témoin d'un radar, d'un accident, d'un bouchon. Dites-le nous au 30-44, 50 centimes le message. Et puis là, c'est parti maintenant pour. Le moment préféré des auditeurs et le nôtre aussi d'ailleurs, la ligne anti-relou. C'est plaisir. Mickaël à la radio. Pour un monde sans relou. Exactement, et à 8h49, on va écouter les meilleurs messages qui ont été laissés sur le répondeur. Le répondeur de la ligne anti-relou, ça se passe chaque matin à 7h15, 8h15 et 9h15. C'est un numéro à connaître impérativement, le 0473 86 0013. Numéro qu'il faut connaître par cœur parce qu'il faut faire croire aux relous que c'est le vôtre. Quand ils vont venir vous saouler derrière, hey, t'as pas de numéro de téléphone, allez, donne-moi ton numéro de téléphone, mademoiselle. Allez, fais pas ta pute. Non, voilà, tu vois, je voulais éviter d'en arriver là. Mais voilà, donc en gros, vous donnez ce numéro-là, ils vont être contents, comme ça, ils vont vous lâcher la grappe. Et puis surtout, ça leur permettra d'appeler après en pensant que c'est votre numéro. Et puis nous, de récolter tous les messages, comme par exemple celui-ci. Bonjour Anissa, c'est Nicolas, j'ai vu ton annonce sur internet et je voulais te proposer de ensemble, de s'amuser, de faire la fête et autre chose. Voilà, rappelle-moi, au revoir. J'aime bien le et autre chose, tu vois, le truc qui veut qu'est-ce tout dire et que rien ça veut dire. Bah rien, il a envie de passer au plumard avec elle, c'est tout. Ah oui, ouais, c'est ça. Bah oui. Voire donc plus. Autre chose pour vous dans le langage des hommes, c'est passer au pieu quoi. Ah si tu dis par exemple, si tu dis t'appelles Toff, tu dis ouais machin, si tu veux on peut aller bouffer ce midi et autre chose. Ah lui il va se dire qu'après manger d'accord. Et pouvoir mettre une cartouche quoi, tu vois. Donc c'est d'utiliser l'expression autre chose en compagnie de Toff. Parce qu'avec un mec quand tu dis autre chose et que tu sais pas, nous automatiquement c'est tu vois, ça se calcule tout seul quoi, tu vois. C'est direct. On a un ordinateur intégré qui calcule automatiquement les probabilités et voilà, en toute simplicité quoi. Autre chose, on est déjà dans le même lit. Ah oui, voilà, ok, d'accord. Allez, deuxième message laissé sur la ligne anti-relou ce matin. Écoutez bien, c'est un beau cassos. Oui, je sais pas quoi dire, quoi. Ah ben c'est net, clair et précis. Voilà, c'est ça exactement. Au moins on sait, tu vois, le mec il sait pas quoi dire. Écoute, tu aurais pu ne pas appeler aussi. Oui, ça aussi, c'était une possibilité. Bon, et puis le dernier message de ce matin. Allô Florence. Ça fait 2 heures que je t'attends là. Moi je suis saoul là et je t'attends, je suis pas bien. Et tu m'as donné ton numéro et j'aimerais bien savoir quoi. Tu vois. Et c'est pas cool pour moi de savoir que tu me réponds pas. Ça fait 2 fois que je te téléphone et c'est pas cool. Merci de me rappeler, gros bisous. Et ben voilà, l'Élanie anti-relou qui reviendra dès demain à partir de 6h du mat. Donc retenez bien le numéro 0473 86 0013. Voilà, dans un instant la réponse aussi et la petite devinette qui colle. Je vous la rappelle, la petite devinette qui colle. Quel est le plus petit paradis au monde? Proposé les îles Marquises. Non, pas du tout, une poitrine de femme. Oui, mais on cherche ce qui entoure la poitrine de la femme. Un bikini. Non, c'est pas ça. L'os du sternum, c'est Arnaud. Tu vas chercher beaucoup trop loin. Un décolleté. Non, c'est pas ça non plus. Les

Parce qu'il n'y a que deux seins. Parce qu'il n'y a que deux seins, justement. Mais c'est le plus petit paradis du monde. Eh oui, on essaie de faire des grosses têtes le matin. Hein. Oh là là. On essaye, on essaye. Oui, bon, pas terrible. Hein. Bon, ben Lionel, bravo à toi, c'est gagné. On va te renvoyer au standard et puis on prend tes coordonnées pour t'envoyer ta télé écran plat HD. Voilà. Ok, cool. Ben, je t'en prie, Lionel. Passe une bonne journée. Quand même, hein. Ben oui, c'est ça. À bientôt, Lionel. Ciao à toi, bye bye. Et dans un instant, le son préféré, en tout cas le mien, mais pas forcément celui de Julie. Il est énorme. Non, c'est un son énorme, mais que à partir de 9h du mat. Quoi. Mais non, n'agressons pas les gens avant. Non, c'est énorme. Dommage, je le mets à 7h. Mickaël à la radio. Mickaël à la radio. Ah, oh, c'est génial. C'est énorme ce que vous faites. Tous les matins, entre 6h et 9h30, Mickaël vous réveille sur Fun Radio. Fun Radio. Dans un instant, les infos vont débarquer avec Julie, mais avant ça, j'avais presque oublié de poser la petite question qui colle. Oh là là, ça parle un peu d'euros millions avant l'heure. Les automobilistes de l'autoroute A2 aux Pays-Bas ont eu une pluie assez spéciale. Il ne pleuvait pas des gouttes d'eau, je peux vous le dire. Hein. Mais de quoi ? C'était sympathique, quoi. Voilà. Ça a d'ailleurs créé des bouchons. Ah bah, c'est-à-dire que moi, je m'arrête, je mets la voiture en travers et j'essaye que personne passe. Hein. Oh là là, voilà, je te le dis direct. C'est ce qui s'est passé. Ils sont tous arrêtés récolter c'est la ça, pluie quoi. De... C'est ça. Voilà. Bon, si vous avez la bonne réponse, j'ai des cadres photo numériques XXL à vous filer. Les automobilistes de l'autoroute A2 aux Pays-Bas ont eu une pluie assez spéciale, mais de quoi ? Rapport à l'euro million, on en parlera tout à l'heure. 63,22, c'est un euro par message. 9h02, pas la bourre aujourd'hui, c'est pas grave. Hein. Les infos maintenant avec Julie. Salut à tous. Et son petit pull. Et mon gros pull en laine. Oui, c'est vrai. Véritable exploit pour Kevin Borlée hier au Mondiaux d'athlétisme à Daegu en Corée du Sud. Il a décroché la troisième place et donc la médaille de bronze. Son frère Jonathan a terminé lui cinquième. Déjà dans 24 heures, ils disputeront le 4x100 mètres. Et puis à l'US Open, Darcy et Wickmayer se sont qualifiés pour le deuxième tour, tandis qu'Olivier Rocus a été éliminé. Dans le reste de l'actualité, la formation et le statut des pompiers volontaires est remis en cause. Lundi soir, les pompiers de Jodogne ont perdu l'un des leurs dans un incendie à Melun. Les hommes du feu demandent une meilleure formation mais aussi une reconnaissance des dangers qu'ils affrontent au quotidien. La Fédération Royale des Corps de Sapeurs-Pompiers de Belgique pourrait mener des actions prochainement avec d'autres syndicats. Au chapitre politique, le formateur Elio Di Rupo va présenter des modifications à sa note. Ces modifications porteront à la fois sur BHV, la loi spéciale de financement, les transports de compétences et le renouveau politique. Il présentera ses modifications ce week-end au oui président de parti. Demain, c'est la rentrée et c'est aussi le jour où Joëlle Milquet passera la main de la présidence du CDH à Benoît Lugène. Elle restera vice-première ministre et ministre de l'emploi du gouvernement Le Terme en affaires courantes et elle continuera à mener les négociations institutionnelles au nom du CDH pour la formation d'un gouvernement. Préavis de grève chez Flightcare, le syndicat socialiste réclame une solution pour le problème de la charge de travail des employés qui déchargent donc les bagages des avions à Bruxelles Airport. Une réunion est prévue aujourd'hui avec la direction et le syndicat espère toujours pouvoir trouver un accord autour de la table des négociations. Le Belge devient propriétaire à 31 ans en moyenne. Il emprunte en couple à taux fixe sur 20 ans. Ces chiffres sont révélés par une enquête d'ImoWeb publiée dans le journal L'Echo. On apprend également que 10 à 20% de cet emprunt sont financés sur fonds propres. Le nouveau propriétaire a aussi dépensé entre 10 000 et 30 000 euros de travaux et a acquis en moyenne une maison de 150 mètres carrés avec 3 chambres. Et puis enfin, pour éviter les bouchons, il faut évacuer les voitures avec les victimes à l'intérieur. C'est une solution proposée par Touring Mobilis. Selon l'organisation de la mobilité, la proposition est réalisable avec des personnes décédées ou des blessés légers coincés dans leur véhicule. Touring propose également de diminuer les déviations via des routes secondaires lors d'accidents. Et justement, un quart des bouchons est causé par des accidents. Et à 9h05, c'est la météo maintenant. Des éclaircies seront localement entrecoupées de nuages. Normalement, pas de pluie à prévoir. Température de 15 à 19 degrés. Demain, temps sec et jusqu'à 20 degrés. C'est une bonne nouvelle. L'info en plus, elle arrive dans 30 secondes. Restez bien là. Fun Radio. Fun Radio. L'info en plus maintenant, et je rappelle que dans quelques instants... C'est mon son préféré du moment, hein. Vous allez entendre parler pendant un petit bout de temps, je pense. Niro avec Promises. Bon, avant ça, l'info en plus. Eh bien, voilà. Les chaussettes puantes vont peut-être sauver le monde. Ah, voilà enfin, la bonne nouvelle du jour. En tout cas, sauver le monde du paludisme. Donc, cette maladie qui est souvent répandue en Afrique. Eh bien, un appareil a été inventé et dégageant une odeur de chaussettes très sale parce que cet appareil parvient à piéger en masse les moustiques qui sont évidemment vecteurs du paludisme. Et les moustiques sont très friands de l'odeur de chaussettes sales, de la transpiration. Ils adorent ça. Donc, ils sont attirés par cette odeur. Et donc, peut-être qu'on va sauver le monde du paludisme. Mais qui sait mais grâce à cet appareil qui est quand même assez, vous dire, écologique. Hein, oui, c'est de vrai. Chaussettes sales. Enfin, moralité, lavez-vous quand même. Hein. Mais moralité, oui, si vous ne voulez pas attirer les moustiques, évitez les chaussettes sales dans la chambre et puis lavez-vous. En gros, c'est ça. Après, une petite douche avant de dormir. Ça vous réveillera, mais au moins, vous vous ferez peut-être moins piqué. Exactement. On sait jamais. Bon, dans un instant, on vous rembourse vos factures également sur Fun Radio. 63,22, c'est 1€ par message. Débutez votre SMS par facture. Vous mettez le montant de la facture ainsi que l'objet de la facture. 460€ pour l'électricité, 400€ pour le mazout, 416€ pour le cadastre, 138€ pour la rentrée des classes. On proposait également 348€ pour la voiture, l'orthodontiste. Ah oui, cher l'orthodontiste. Ah, ça, c'est toujours désagréable. 158€. Ah ouais, quand même. Mais ouais. Pour le prix que tu souffres, c'est quand même. Ouais, quand même franchement, dur. Ouais. Facture Bellecom, c'est Céline, 87€, 205€ pour les soins spéciaux. C'est pas ce que c'est les soins spéciaux. Prostituée, un massage. Ce n'est pas syndiqué. Mais voilà, on ne sait pas. Bon, bah en tout cas, on va payer la facture dans quelques instants et on se met maintenant. C'est là qu'il faut mettre le son à fond de balle. Si vous êtes au travail, c'est pas grave. Si vous êtes chez vous, c'est pas grave non plus. Et dans la voiture, mettez ça bien fort. Surtout si vous êtes dans un bouchon, vitre ouverte. C'est juste énormissime. Le son de Niro qu'on écoute maintenant. Promises sur Fun Radio. Oh, c'est énorme ici. Ça y est. Ça ah oui, ça va réveiller. Hein. Ça, Julie, elle va garder le accrochez-vous. Casque. Accrochez-vous. Elle va garder le casque, elle va mettre plus fort. Je mets plus fort dans le casque de Julie d'ailleurs. Hop là. Voilà, comme ça, elle va bien kiffer, elle va bien se rendre compte qu'elle est réveillée. Oh, qu'est-ce qu'il est bon ce morceau. Niro à l'instant, Promises. Et il y a un message qui dit Guilt de Niro. C'est encore mieux, même si celle-là, elle claque ses dents. Ah ouais, elle claque ses dents. Alors j'en ai trouvé une autre aussi. C'est un petit remix. Et puis évidemment, je lui ai dit oh non, ça c'est quand même très violent. Écoutez, c'est celle-là. J'admets qu'elle est peut-être un peu plus violente. Et c'est-à-dire que tu l'avais quand même mis à fond dans le studio, donc ça m'a directement agressé. J'avais mis comment. Voilà, c'est un petit remix qui est, ma foi, plutôt sympa. Hein. Bon, allez, on paye les factures maintenant. Tous les matins. Fun Radio paye vos factures. Ça, c'est beaucoup moins drôle pour le boss de Fun, hein, qu'on salue d'ailleurs au passage. Hein. Greg, si tu nous écoutes, il est assez cher aujourd'hui. Hein. Il va falloir venir à la radio. Hein. On a déjà payé pas mal de factures. Je sais pas si tu remarques, mais quand il vient, il dit jamais bonjour. Ah non, hein. C'est parce qu'il a toujours peur de la facture. Je crois qu'il ne veut plus nous dire bonjour. Ouais, je crois c'est que c'est terminé. Clair. Pourtant, moi, je l'aime bien, Greg. Je te dis bonjour. Ah, ouais, ouais, une augmentation quand tu veux. Et, ouais, et Fabien Deliège qui dit ouais, yeah, de la dubstep dans la prog de Fun, ça déchire. Bah, tu vois un peu, on s'ouvre nous aussi. Hein. On est open. Ah. Allez, les factures maintenant, si ça décroche, c'est gagné. Allô, bonjour, comment tu t'appelles? Cindy. Bonjour Cindy. Coupe ta radio Cindy. C'est pas vrai. Bah, je voulais faire ma vanne sur le receveur des impôts, mais ah oui, ouais, avec oui. La radio derrière, je évidemment. Que, ouais. Bon Cindy, non, tu nous appelles voilà, dans bon, ah voilà, tu nous appelles de quelle ville Cindy? De Liège. Ah, bah voilà. Toujours à Charleroi. Eh ben exactement. Liège, c'est 99 FM pour écouter Fun Radio à Liège, comme ça vous le savez. Et toi, on rembourse combien? Nous remboursons. Non, je préfère qu'elle dise elle-même ce qu'elle a acheté d'abord. Ah bon, t'as acheté quoi? Un sextile. Ah bah évidemment. C'est bon ça. Ah ouais, d'accord, ok, très bien. Quel âge a Cindy? Pardon? Quel âge a Cindy? 30 ans. 30 ans, et Cindy s'ennuie donc? Non, pas du tout. Cindy n'a pas d'homme dans sa vie? Si. Ah bon? Ah oui. Bah, Cindy a un homme qui la satisfait pas complètement. Mais si, bien sûr. Ah bon, d'accord, ok. Mais aussi, j'aime bien. Ah bah d'accord, ok, très bien. Bon, et ça va nous coûter combien ce petit jouet là? C'est un beau jouet puisqu'il a fait coûter 100€. Bah 101€. Ah ouais, quand ah même. Ah quand même, c'est ah pas c'est donné c'est quoi. C'est un joli jouet. Mais il n'y en a pas qu'un. Ah oui, enfin, heureusement pour le prix. Hein. Pas une panoplie. Oui, elle a acheté l'ensemble. Ah oui, l'ensemble. Cindy se fait plaisir. Elle a acheté l'ensemble. Oui, ouais, d'accord. Non, comme mais ça, très le bien. Le matin, elle utilise le petit et le soir, elle peut prendre le gros. C'est ça, on a compris. Voilà, merci. Bon, eh ben écoute, Cindy, bah amuse-toi bien. Have fun, comme on dit. Hein. Oui, hein. Ouais. En tout cas, merci. Mais avec plaisir. Hein. Et comme ça, moi, tu penseras à nous maintenant quand tu joueras à ton petit jouet. Hein. Si tu peux penser à Julie, ça lui fera vraiment plaisir. Ah, bah, oui, bien sûr, tiens. Pense à moi. Oui, bon. Je penserai à tout le monde comme ça. Bah, parfait. Ah, bah voilà. Parfait. Il y en a pour tout le monde. Bon, gros bisous, Cindy. À bientôt. Merci. je t'en prie. Salut à toi, ciao, bye bye Cindy. Bon, bah, on remet le couvert évidemment, ce sera dès demain à partir de 6h pour vous payer vos factures, pour les inscriptions 6322. Débutez le message par facture et puis on va se faire encore un son découvert sur Fun Radio. Cherchez pas ailleurs, ça passe qu'ici. Deepside DJs maintenant à 9h14, j'allais dire écart, mais on est. Non, non, 9h14. Never Be Alone, juste après l'horoscope de notre ami Doudou qui sera de retour pour la dernière fois ce matin. Bon réveil tout le monde, c'est mercredi 31 août. Le son de Deepside DJs à l'instant sur Fun Radio, c'était Never Be Alone. Tous les matins, on est là sur Fun Radio avec vos messages qui arrivent évidemment en direct. Ça se passe au 3044 ou au 6322 par exemple aussi. Hein. Avec la petite question là, les automobilistes de l'autoroute A2 aux Pays-Bas ont eu une pluie assez spéciale. Mais de quoi ? Un truc, c'est mieux que l'euro million. C'est-à-dire qu'au moins, on est sûr de gagner quasiment hein, si on arrive là. C'est ça qui est bien quoi. Ah oui là tu te baisses et tu ramasses quoi. Ah bah c'est ça, tu ramasses, c'est vachement pratique. Ah oui, non, très pratique même. Oh, j'aurais voulu être là à ce moment-là. Ah, tiens. Oui, je te confirme, oh là aussi. Là. Bah, moi, je vais direct, t'avais aucun problème. Voilà, si vous avez la bonne réponse, il y a des cadres photo numériques XXL à gagner. 63,22, c'est 1 euro par message. Faisons un tour maintenant du côté. Bah oui, c'est la dernière fois aujourd'hui. Bah oui. Fun Radio. L'horoscope. Oh, eh oui, un tour du côté de l'horoscope maintenant Doudou. Tiens, Doudou, vous qui êtes marabout là, vous n'avez pas une potion pour vous donner la pêche le matin? Ça peut être bien ça, non? Oh, si, pourquoi vous voulez? Je vous prépare quelque chose demain? Non, c'était plus pour vous en fait. Hein. C'est comme je vois que vous avez un petit peu de mal le matin, ça aurait été pas mal que. Oui, mais non, moi je touche pas à ce genre de mélange. Hein. On sait jamais les effets secondaires. Ah non, c'est pas ce que ça peut faire ce genre de truc. Ah oui, évidemment, c'est tout de suite beaucoup plus rassurant là. Ah bah oui, hein. Vous voulez toujours pas goûter? Non, ça va aller. On va commencer avec les béliers, Doudou. Alors, les béliers, qu'est-ce qu'il y a? Ah oui, les superbes chances professionnelles ne vont pas avec votre porte-monnaie tout vite. Ben c'est ça, alors que j'aurais été aux Pays-Bas là. Hein, ah oui, on t'aurait gagné le million hier aussi. Oui, aussi, oui. Bah mais voilà, je gagnerai vendredi 114 millions. Ah oui, millions. Pardon, oui, tu attends juste un peu que ça monte. C'est voilà, normal. C'est ça, j'attends, j'ai fait exprès de perdre, si tu veux tout savoir. Ah oui. Les taureaux. Alors, vous réagissez calmement face au changement et les surmontez sans problème. Les gémeaux. Aujourd'hui, ce n'est pas toujours facile de faire la différence entre amis et adversaires. Les cancers. Les affaires d'amour sont sous un bon signe aujourd'hui. Oh là là, je sais pas ce qui se passe, ça fait 2 jours que j'ai un bon horoscope. Oui, enfin, oui. T'as eu 3 semaines de merde. Après 3 semaines de vache maigre, un petit clini, c'est pas mal. Les lions. D'accord. Merci Doudou. Je vous en prie. Les lions. Alors, vous êtes irrités sans vraiment savoir pourquoi. Les vierges. Courage, le mot magique en ce moment c'est repos. Les balances. Alors soyez juste et restez équilibré. Les scorpions. Vous avez toujours pas à relever. Oui, mais si, on a relevé la balance, équilibre, on a compris. Oh là là, le mot tout pourri. Les scorpions. Même si tout va bien dans votre vie privée, vous avez tout de même négligé votre partenaire. Les sagittaires. La soirée sera certes agréable, mais peut-être aussi explosive. Alors ne buvez pas trop. Les capricornes. Ne repoussez plus à plus tard des problèmes désagréables. Les verseaux. Le stress a une mauvaise influence sur votre morale, mais ça va rentrer dans l'ordre, alors pas de soucis. Et les poissons pour finir. Laissez les autres régler leurs problèmes. C'est le mieux à faire pour rester zen. Ah ben bien sûr, évidemment. Ah oui. Bon, merci Doudou, à demain. Bah de rien, avec plaisir. Bah j'imagine bien. Hein. Bon, à demain. Et puis dans un instant, la réponse à la petite question qui colle. Donc des mecs qui étaient sur l'autoroute A2 aux Pays-Bas ont eu une pluie assez agréable. En général, on tire un peu la gueule quand il y a de la pluie, qu'on est sur l'autoroute. Mais ce c'est quand genre même désagréable. De pluie, je pense qu'on en voudrait bien tous les jours. Ah ben moi personnellement, je suis pour à 100%. Hein. Techniquement, si j'avais pu être là sur le moment même. Sur place, là, je pense que j'aurais bien kiffé. Ça aurait créé des gros bouchons, comme si c'était sûr. C'est sûr. C'est pas vrai, tu mens. Si ça t'arrivait tous les jours, ça te ferait chier aussi. Non, t'inquiète pas. Bon, allez, sac Noël, on va écouter ça maintenant à 9h21 sur Fun Radio. C'est Mickaël à la radio jusqu'à 9h30. Mickaël à la radio. Salut, c'est Cartman. C'est toi aussi, tu t'es tapé la merde de Kyle hier. Ta gueule, Cartman. Écoute, Mickaël à la radio, 6h-9h30 sur Fun Radio. Mickaël à la radio. Fun Radio. What the fuck? Quelle vulgarité, ça me choque à chaque fois cette chanson. Ouais, surtout, bien sûr, ouais. Non, je suis choqué. alors que Julie, elle est là dans le studio. What the fuck? C'est ça, elle chante et tout. D'ailleurs, si vous ne le croyez pas, allez voir sur mickaël.fm, vous la verrez. Ouais, c'était pendant la déclaration de l'Ob, rien à voir. Vous la verrez danser, bouger. Ah, ouais, là. Moi, je suis au taquet le matin. On a un peu d'ambiance dans ce studio. Quoi. Et en plus, elle le fait, tu vois. Tu sais, quand elle le fait, tu sens cette vulgarité qu'elle fait. What the fuck? Ah non, mais là, alors moi, vulgaire déjà. Tu vois? What the fuck? et elle le dit comme ça. Calmez-vous, les gars, 9h25 le matin, amour et paix dans le monde. Mais justement, c'est ce que je dis, on est choqués. Ah bah oui, d'accord. Okay. Voilà, t'as fait moins les choqués, n'est-ce pas? Ouais, complètement. Voilà, je passe une mauvaise journée d'ailleurs. Je suis même outré. Exactement, ouais, scandalisé. Je vais aller voir immédiatement le boss pour lui dire, écoute, t'es gentil, mais la fille que tu nous as mis dans les pattes, quand même, un peu vulgaire, ça. Un peu vulgose. Ouais. Hein, quand même. Heureusement quoi. Que je suis là pour vous calmer surtout. Oh, oh, oh, ah bah attends, si. Qu'est-ce qu'il faut pas entendre comme conneries? Attends, bien sûr que si. Oh là là là là là. Je n'ose pas imaginer ce que vous oseriez pas de balancer sur l'antenne si j'étais pas là. Peut-être plus de choses, c'est vrai. Ça c'est sûr. Bon, qui est avec nous maintenant pour la question qui colle? Personne. Ah bah c'est normal. Ah bah tiens, hein, les automobilistes qui circulaient, c'était lundi sur l'autoroute A2, donc avant-hier aux Pays-Bas, ont eu la surprise de constater qu'il pleuvait, mais qu'il pleuvait quoi? Voilà, vous avez été nombreux à envoyer vos réponses au 6322, il y a des cadres photonumériques XXL qui sont à gagner. Il y a aussi des jeux vidéo, c'est Harry Potter, les reliques de la mort, la partie 2, qui fonctionne sur n'importe quelle console, donc ça c'est la bonne nouvelle. On en a plusieurs à vous filer tout au long de la semaine. Et donc là on va appeler quelqu'un en live and direct pour voir si il ou elle a la bonne réponse parmi toutes celles qui sont arrivées. Alors attention, en attendant, ce que je peux faire, une petite pause musicale. Ah non, mais c'est pas vrai, mais c'est... Tu sais, tu vas nous dégoûter à la fin. Ah ouais, c'est bien. Ça le problème. Mais je vais me dégoûter aussi. Hein, parce que c'est un bon son, mais là tu nous en fous plein la tête quoi. Tu le tues avant même qu'il ne soit devenu bon. Bah, ouais. Vous préférez ça? Celui-ci c'est pour toutes les racines. Qui vont retourner au blé. Bientôt retourner, dans son salon, vrai. Je vous le rappelle. Voilà, DJ Nabil Kefta, donc vous retrouvez évidemment le soir avec Vince dans la libre antenne ainsi qu'avec l'abbé qui est avec nous pour la question qui colle. Yannick. Bonjour Yannick, comment vas-tu? Ça va, et vous? Eh ben on va bien aussi, tranquille Yannick. T'as quel âge, dans quelle ville Yannick? 22 ans et je viens d'Alem. Tu viens de où? D'Alem. Alem? Ouais. Tout près de Liège? Non, ouais, tout près de Liège. D'accord, ok, très bien, parfait. Bon, alors Yannick, tu as la réponse. Donc, les automobilistes qui circulaient lundi sur l'autoroute A2 aux Pays-Bas ont eu une surprise de constater qu'il pleuvait, mais qu'il pleuvait quoi? De l'argent. Un fourgon avait perdu une balade. Eh oui, c'est un fourgon en fait, effectivement, qui a perdu lundi matin un coffre d'argent à hauteur de Beek, dans la province néerlandaise du Limbourg. Comment est-ce qu'un fourgon peut perdre une mallette? Je sais pas. Attends, les images étaient impressionnantes, quoi. Ça volait dans tous les sens. Les gens s'arrêtaient au plein milieu de l'autoroute pour aller ramasser. Et donc, il est dit, pour une raison inconnue, une portière du véhicule s'est ouverte et un coffre s'est ensuite ouvert en tombant sur le sol. Et dire qu'il y a eu pour effet de chier avec des béliers pour les ouvrir, alors que la porte était ouverte. Bah oui, pourquoi se prendre la tête? Et donc, c'était des billets de 20 à 50 euros. Mais enfin, t'en arrives à en avoir 10, t'as tout de suite 500 euros quand même. Ah non, ça fait plaisir. Ouais, c'est quand même sympa. C'est un petit pécule pour les vacances. C'est vrai. Bon, bah écoute Yannick, on va pas t'offrir un fourgon de billets de banque. C'est bien dommage, on aurait bien voulu. On l'aurait gardé pour nous. Oui, je pense que je me serais barré de la radio en prenant le volant. Autant être franc avec vous, tu vois. Hein, c'est pas la peine non plus de vous prendre pour des idiots. Bon, bah en tout cas, toi, tu vas gérer avec toi, enfin, ce que tu veux au standard. Tu vas gérer avec lui. Et puis tu reviens quand tu veux, Yannick. Ok, merci, c'est bien gentil. Passe une bonne journée, à bientôt. Merci également, au revoir. Salut, ciao. Bon, dans un instant, c'est Lucas. Lucas! Qu'est-ce qu'il fait encore une fois? Non, mais il est cool, Lucas, il prend son temps. J'ai la patience d'attendre derrière la porte que vous ayez fini. Oh, c'est pas joli, ça. Il était en train de regarder. Lucas, c'est un véritable gentleman. Non, il est venu aujourd'hui avec 4 paires de lunettes, il regardait dans le miroir laquelle lui allait venir. Ça tourne à l'obsession, cette histoire. Ah, mais ça, nickel. Il est resté calé là-dessus. Sur les paires de lunettes. Il est jaloux, il a pas de lunettes, lui. Ah, si, j'en ai, ouais. Je te montre où je les achète. Si, mets-les alors, ça sera peut-être mieux. Dubaï, moi personnellement. Ok, donc monsieur Mickaël. On voit qui est qui. Il n'a pas voulu du tout placer le fait qu'il avait été à Dubaï. C'était il y a 6 ans. À l'époque où tu pouvais encore aller à Dubaï. À l'époque où c'était un désert. Oui, aussi, effectivement, oui. Bon, passez une bonne journée dans un instant. Le self qui va débarquer, ce sera avec Lucas, comme chaque jour, jusqu'à 13h. Vous allez faire la prog avec lui. Et donc, par exemple, vous allez pouvoir demander ça. Ah non, mais. C'est qu'il nous saoule à la fin. C'est le son qui met à fond de balle dans toute la radio. Vous pouvez le demander, bien sûr. Voilà, Niro, dans un instant, peut-être. Je dis dans un instant, c'est pour moi, c'est acté. Mais je crois qu'il va directement envoyer un petit message sous le bureau, tu vois, Mickaël. Voilà. Non, je vais lui dire, tu le mets. Et puis, tu seras obligé. Voilà, tu sais, c'est moi, c'est parce que comme j'ai pas de lecteur CD, j'ai qu'une radio dans la voiture, tu sais, je fais mes MP3, donc je dis à Lucas, je fais alors, tu vas me mettre ça. C'est à ça que ça sert le self. Voilà, exactement. Tout à fait. Bon, passez une bonne journée. On se retrouve demain à partir de 6h du mat avec vous toutes et vous tous en direct. Vous avez été nombreux ce matin, ça fait plaisir. Et puis avec bien évidemment le podcast qui est disponible sur mikael.fm. Vous pouvez aller y jeter une oreille, bien entendu. Passez une bonne journée. Et puis le premier son du self là tout à l'heure, ça va être Shana Paul avec Alexis Jordan. Got to have you. Ciao tout le monde. Il vous manque déjà. Pas de panique.